Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Ouais, c'est plutôt ça en fait. On aurait plutôt fait ce qu'on pouvait à la mine. À la mine, c'est vrai que ce matin, j'aurais peut-être bien éteint le réveil. Mais bon, je me suis dit, pour une première, on va peut-être pas arriver en retard, ça va faire mauvais genre. Hein. Bon, Top qui est également en pleine forme. Oui, en pleine forme, je suis là. Attends, sur le fil, t'es arrivé là sur le fil. J'ai dit, Top. Mais oui, mais c'est parce que je prépare les trucs là. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il faut du son. Bien sûr. Et puis si nous avons une voix féminine, je te la laisse la présenter, puisque comme il est sur le dossier depuis. Oui, c'était la plus belle, c'était la seule qui a. qui m'a laissé croire que c'était possible. Et une fois qu'elle a été engagée, m'a fait non, c'était pas possible. Non, voilà, j'ai joué là-dessus en fait. Voilà, parce qu'elle t'a laissé croire que c'était possible de venir bosser en fait. Hein. Ah, ouais, c'est ça. C'est juste ça. Il se fait des rêves tout de suite. Voilà. Il croit que ça y est. Exact. Bon, Julie qui est avec nous également jusqu'à 9h30, Julie qui a passé une très bonne nuit comme moi d'ailleurs, on l'a pas passé ensemble pourtant. Mais on a des cernes jusqu'aux genoux. Moi je l'ai aimé, mais elle a pas voulu. Ah non, mais non, horrible. Bah c'est à dire qu'il a fait un temps dégueulasse. En plus j'ai un truc, tu sais, comment on appelle ça, un Vélux. Oh putain, quelle angoisse. Ah, c'est la pire. Alors je sais pas comment ça s'est passé chez vous au niveau du temps cette nuit. Enfin à mon avis pareil que pour nous. Je crois qu'il a fait dégueulasse sur toute la Belgique. J'ai vu sur RTBF hier la météo avec la carte. Je me suis dit oh là là, quelle angoisse. Ça va être horrible. Enfin bref. Bon, en tout cas bon réveil. Hein. Nous on est là jusqu'à 9h30 ce matin. La libre antenne, c'est des vieilles habitudes. Hein. Donc de l'été, oui, libre antenne du matin. Oui, à 6h ça aurait été bien, ce serait bien marré, cela dit. On va saluer aussi ceux qui sont sur le groupe Facebook, qui sont debout déjà à 6h en pleine vacances. Alors soit ils sont vraiment fans, soit ils sont vraiment cons. Non, je crois qu'ils rentrent de soirée plutôt. Hein. Ouais, ou alors ils rentrent de teuf aussi, ça c'est possible. Bon, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis ce matin pas mal de choses, on aura du son, on paiera vos factures également. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire encore hein, au 6322, débuter le message par facture, c'est 1€ par message envoyé au reçu. Vous laissez vous débutez votre message par facture, vous mettez le montant qu'on est censé payer et puis vous mettez également le pourquoi on devrait l'objet de la facture. Voilà, on appellera quelqu'un d'ici quelques instants. Donc 6322, débuter le message par facture, on appellera le ou la première personne à qui nous allons payer la facture. On fera également péter l'horoscope avec un invité relativement spécial. On a été chercher du lourd, du très très lourd, puisque nous avons été dans les îles chercher notre spécialiste de l'horoscope. Justement, on aura des conseils aussi pour enrayer la déprime du lundi matin. Et Dieu sait qu'avec Julie, vu le temps, on est au top du top. Et puis on fera un tour du côté des infos aussi avec Julie, bien sûr, tout à l'heure. La météo, bref, plein de choses. Et puis on va démarrer avec encore une meuf que Toff a essayé de pécho. Hein. Comme quoi, tout arrive. C'est pas Toff? Ouais, je sais pas, c'est qui? C'est elle, Mademoiselle Luna. Ah oui. Ah oui, bah oui, oui, oui. Oui. Oh là là. Encore un bateau. Bah c'est ça. Non, en plus elle a fait des photos là, allez voir sur son Facebook. Ah ouais. Ah ouais, non, elle est. Elle est. Bah ah, oui. Elle est... Bon, tu l'auras pas, mais ça va venir quoi. Mais non, mais en plus j'ai appris son âge et tout, je peux pas le dire. Bon, mais... bon, pourquoi? Pourquoi tu peux plus dire son âge? Non, si, non, je peux pas dire son âge parce que ça se fait pas. C'est une grande dame. C'est, D'accord. Okay. Ça se dit pas. Ouais. Mais ouais. Non, je la croyais beaucoup plus jeune que ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle fait pas son âge. Elle fait pas son âge. C'est vrai. Elle est plus jeune que moi. En fait, pas du tout. Ah non, bah non, pas du tout. Pas hein. du bon, tout. Allez voir sur internet si vous voulez voir justement. Et puis 6h-9h30, Mickaël à la radio. On est là donc. Soyez les bienvenus si vous débarquez. 6h04 et Mademoiselle Luna maintenant. 6h07 sur Fun Radio et c'est parti. Maintenant, nous allons tenter de faire péter un petit peu d'oseille à Fun Radio. Bah oui, on essaye quand même. On essaye à minimum. On va payer vos factures. C'est parti. Et non, c'est pas parti. Cette machine déjà. Alors c'est marrant. Je suis parti le 30 juin. La machine marchait plus. Je suis revenu aujourd'hui. Je me suis dit bon, la machine va remarcher. Eh ben non. Eh ben elle marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va faire péter autrement. Alors, allez hop, comme ça c'est. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, on va essayer en tout cas. C'est parti, vous avez été nombreux toute la semaine dernière à vous inscrire donc au 6322 en débutant le message par facture en nous disant ouais, j'aimerais bien que vous payiez les factures parce que j'ai eu du lourd. Alors il y a eu du lourd, hein. J'ai vu déjà. Il y a quelqu'un qui voulait qu'on lui rembourse le cadastre, 423€. Ah, pas, oui, mal, pas mal quand même. Donc ouais. C'est pas donné. Hein. Quelqu'un qui voulait qu'on lui rembourse également un ticket Stib. Oui, c'est bien aussi, mais bon, ouais, après, c'est pas mal ça. Ouais, non, mais bah, c'est bien. Mais enfin, n'hésitez pas à taper un peu plus haut aussi. Et puis, il y en a un qu'on va appeler maintenant justement qui m'a fait. Bah, alors vous allez dire oui, c'est encore, c'est parce que c'est un petit montant. Non, c'est pas parce que c'est un petit montant qu'on l'appelle. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est parce que ça me fait marrer en fait. C'est quelqu'un qui avait envoyé un message qui dit ouais, bon bah tu vois que le mec ou la meuf, je sais pas très bien, elle est vraiment en galère quoi. Tu vois, elle appelle, elle envoie un message, elle dit bon, est-ce que vous pourriez me rembourser 25€? Ah bon, c'est pourquoi ma deuxième cesse. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Marie. Marie, tu dors pas à ce soir-là, Marie? Si je dormais. Ah, tu dormais, ouais. Bah, bonjour à toi, Marie. Bonjour Marie. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Ok. On t'appelle pour ta seconde cesse. Ah, ok, cool. Tu nous avais envoyé un petit SMS là pour faire péter les 20. Alors, comment ça se passe les 25 euros là? C'est-à-dire que tu dois les payer pour passer ton examen, c'est ça? Ouais, j'ai quelle bande de crevards quand même. Non, c'est normal, les profs ils doivent revenir, ouais, faut les payer. Non, mais attends, mais sans déconner, quelle bande de crevards. Ouais, à fond. Un scandale, bande d'enfoirés. Bon, bah écoute, on va te les filer justement, ces 25 euros qui vont arriver chez toi, j'espère, le plus vite possible. Ah, c'est cool. Eh bah, y a pas de problème. Et puis tu vas revenir quand tu veux, on va prendre tes coordonnées hors antenne, et puis on va te filer tout ça, d'accord? Ok, trop cool. Je t'en prie, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Salut à toi. Salut, ciao. Marie. On a réveillé quelqu'un, ça me fait de la peine quand même. Oh bah, voilà, non, franchement, il va falloir t'y habituer. Ouais, moment. Non mais je sais. Non mais à 6h10, c'est quand même dégueulasse. Hein, 8 août, c'est encore plus dégueulasse. Ouais. Bon, on va se faire péter un petit peu de son maintenant. Si du moins le truc fonctionne, qui est pas gagné. Attention, on va essayer. Eh ben non, c'est Mademoiselle Luna de nouveau. Ouais, c'est quand même dommage. Bien, hein. Non mais je me doute bien que t'aimes bien, mais c'est pas celui-là que j'avais prévu. Moi, c'était Maroon 5 normalement qui doit démarrer là, non? Non, il va pas démarrer. Bon, bah alors tant pis, on va le mettre autrement alors. Mais Julie va chanter. Ouais, bien bah sûr. Voilà, c'est voilà. Ça, Julie va chanter, ça va être génial. Là, je vais faire fuir tout le monde. Exactement. Allez, Maroon 5. Hop là, ça marche, magnifique. Maroon 5 bien maintenant joué. Avec Christina Aguilera. Moves like Jagger sur Fun Radio. Il est 6h10. Bon réveil. Bon bah apparemment ça fonctionne pas le truc hein. Plus rien qui marche là, on est au top hein. Voilà, ça y est, je pense que ça a fonctionné. Oh, là beau, non beau, j'ai donné un gros beau. Coup de pied dans la machine. Je me suis dit, il y a un moment faut arrêter de se foutre de ma gueule. Non, c'est à dire que je boussais sur un bouton et quelque chose de totalement différent fonctionnait. Mais bon, c'est pas très grave hein. Et Julie, donc alors elle est partie, elle revient. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, j'ai raté un truc. Je me bats avec une imprimante. Ah ça y est, l'autre chose tiens. Bon alors il y a plus rien. Donc il y a vraiment plus rien qui marche. Alors ça va être génial, je pense qu'on va bien se marrer ce matin hein. Bon, je vais essayer de lancer les trucs. Vous allez me dire ça fonctionne au 30-44, n'hésitez pas. En tout cas c'est grâce à vous sur le groupe Facebook que je me suis rendu compte. Parce que nous dans le studio on avait la chanson hein. On était là, il y avait Maroon 5 et tout, c'est la fête. Avec Moves Like Jagger, tout fonctionnait très bien. Puis là il y a des messages qui arrivaient en disant ouais, tiens, il n'y a plus rien qui fonctionne là, j'entends plus rien. Ah bon écoute, c'est pas normal hein. Donc je vais essayer de relancer un son. Et puis on va voir comment ça va se passer. Alors attention, je vais essayer maintenant de lancer The Black Eyed Peas. Attention, ça va être très très lourd. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que bah rien marche hein. On a essayé, on a eu un petit bout hein, pourtant hein, on a eu un petit bout. Alors on l'avait senti, il a voulu. il essayait d'arriver là et puis au final bah pas grand chose. Attends, je vais essayer. Quelqu'un veut écouter un truc en particulier? Alors oh bah si, voilà tout de suite Tof, hein, une idée? Écoute, si, il y a le nouveau Pitbull, il est pas mal. Le nouveau Pitbull, il est pas mal. Oui, mon ami, il n'y a pas longtemps, mais on va essayer de le remettre. Attends, bouge pas. Attends, j'essaye un dos encore une fois. Attends une seconde. Attends, attention. Ah, il fallait que ça arrive la première. En même temps, il vaut mieux que ce soit la première, comme ça on est tranquille après. Ah, ça veut pas non plus. Ça, c'est ça bien. Génial. Ça, c'est très bien. Mais je crois que Tof a vraiment envie de le faire. C'est Vince qui a foutu le bordel. Ah, bah là, il y a plus rien, mais il n'y a plus rien qui marche. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de l'envoyer autrement. Attention. J'essaye. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne marche pas. Une petite musique d'attente. Bah voilà, donc bah écoute, il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est parfait quand même. Attends, je vais essayer encore un truc là. Bah là, il n'y a plus rien qui marche. Attends, bon, je vais essayer autre chose. Au pire, on demandera à Jay de revenir. Hein, c'est pas très grave. Je vais réessayer autrement. Bon, dites non. Sinon, ça va, t'as passé un bon week-end, Tof, pendant que j'essaie de réparer le bordel là. Écoute, j'ai passé un excellent week-end à la radio. Ah, bah c'est bien aussi. Hein. Ouais, non, j'étais bien ici. C'était pas mal. Je me suis senti un peu seul par moment. Mais... C'est normal en même temps. Oui, hein. Oui, c'est ça. Il y a, y a beaucoup moins de passages que là. Ah oui, bah c'est normal, hein. C'est beaucoup moins même, effectivement. Mais bon, c'était pas mal. Oui, c'est différent, en fait. On va dire ça comme ça. Hein. J'ai vu DJ Flash. Ah, tu as vu DJ Flash, c'est bien aussi. Oui. Ça va, il est bien, il est en pleine forme. Et il est en pleine forme. Non, je suis fan de son accent, DJ Flash. Oui, j'imagine bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, j'ai fait un truc là. Mais t'inquiète pas. Je vais réessayer encore un truc et puis sinon on va voir. Attends. Tu tentes le tout. Ah bah non, bah, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a vraiment plus rien qui marche. Non, il n'y a plus rien qui marche là, bah, c'est parfait. Hein. Bon bah, bon réveil tout le monde. Hein. Merci d'être là. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Hein. Alors, je vais essayer de redémarrer un truc là, vous inquiétez pas, je vais mettre quelque chose de différent, hein, vous allez voir. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Vous allez avoir un disque qui va arriver en plein milieu de rien, rassurez-vous. Le temps de donner un gros coup de pied, un gros kick. Et puis si jamais vous êtes fan ou réparateur de Windows et d'ordinateur, n'hésitez pas à passer. Hein. 33 avenue Télémac à 11 ans de Bruxelles. Non, pour une première, c'est bien, fallait que ça foire à ce moment-là. Hein. Mais c'est mieux. Mais voilà, c'est mieux que ça foire au début, comme ça après on est tranquille. Bon, je pousse sur un bouton, vous devriez avoir un truc bizarre et puis on reviendra juste derrière, du moins j'espère. Ne bougez pas. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Oui, alors on va essayer, on va essayer. Donc là, ça marche. Tof est là ? Oui, je suis là. Mais... Julie est là ? Oui, oui, moi je suis toujours là. Parfait. Mais est-ce que la machine est là ? C'est ça, la vraie question. Alors la machine, j'ai tapé dedans, mais vous imaginez même pas. Je crois que les voisins vont gueuler tellement le truc a fait du bruit. Hein. Mais bon, voilà. Donc normalement, on est là de 6h à 9h. On a eu quelques petits problèmes, comme vous avez pu le remarquer. Mais c'est pas grave. D'autres problèmes a priori sur la route. Attention, attention, attention. Je vais lancer le petit son pour voir. Oh, ça a l'air de marcher. Bon Julie, il se passe quoi sur la route ? Est-ce qu'il y a autant de problèmes qu'à la radio ? Alors non, pas trop, mais on signale quand même un accident sur la N676 à hauteur de Amblève. Attention, la chaussée est fermée car un camion est sur le flanc. Circulation donc à l'arrêt, c'est au kilomètre 7 et une déviation locale a été mise en place. Et je peux aussi vous rappeler... Le flanc en caramel ou... C'est... Non, c'est voilà, drôle ça, Tof. Pas mal, pas mal. Ouais. On sent bien là. On écoute, ça veut dire que pendant une demi-heure, il n'a rien pu dire. Donc là, tu vois, il y a des vannes de mer qui partent. Ça bouillonne. C'est ça, ouais. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est quoi tu disais ? C'est que sur le ring de Bruxelles, il y a des travaux à hauteur du viaduc de Villevorde. Donc si vous devez vous rendre à l'aéroport de Zaventem... Bah prenez... déjà, vous avez beaucoup de bonnes, donc vous allez vous faire foutre. Déjà, mais vraiment, prenez quand même vos dispositions, partez un petit peu plus tôt. Oui, voilà, c'est ça. En même temps, pour partir en vacances, c'est pas non plus de la galère. Tu dis, je vais partir une heure plus tôt, si ça va être la galère. Avion, c'est la galère, quoi. Ouais. Prenez vos dispositions, je crois qu'elle allait aller pisser avant de partir. Ouais, c'est ce qu'il veut faire aussi, ouais. Bon, allez, on va s'envoyer le son. Oh, la deuxième son qui s'enchaîne tout seul, c'est magnifique. Waouh, extraordinaire. T'avais pas de questions à faire ? Si, tout à fait. La question qui colle, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un Israélien a trouvé dans le mur des lamentations ? Si vous avez une idée, 30-44, on en parle juste après Big Ali. Le son de Big Ali à l'instant sur Fun Radio. Tous les matins, on est là entre 6h et 9h avec vos messages qui arrivent aussi, 6h et 9h30 même, avec vos messages qui arrivent au 30-44 et également avec la réponse qui arrive aussi par rapport à la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'un Israélien a trouvé dans le mur des lamentations ? C'est la question qui colle, bien entendu. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, eh ben n'hésitez pas à balancer justement vos réponses au 30-44. Il y aura bien évidemment des cadeaux pour vous à la clé. Et puis, on va parler maintenant de l'émission de l'été, l'étoffe des champions, bien évidemment. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Encore ! Merde ! Merde ! Merde ! Voilà, donc la grande émission de France 3 avec Raymond Domenech. Hein. Alors, si vous n'avez pas entendu, si vous n'en avez pas entendu parler, rassurez-vous, c'est normal. C'est comme pour l'équipe de France. Hein. Raymond a pris un gros chèque pour ne pas faire d'audience. Ouais, mais c'est ça, ils auraient pas dû appeler ça l'étoffe des champions, mais l'étoffe du loser. Mais oui, ah, un petit message de Raymond. Merde ! Merde. Eh oui, bon, ça, non. Ça c'est après l'arrêt de l'émission en fait. Oui, c'est ça. Bon, sinon en gros, je voulais vous parler évidemment de Secret Story 5. Alors qui regarde Secret Story 5 ? Moi j'ai commencé à regarder il y a ça fait 15 jours à peu près que j'en regarde. Mieux vaut tard que jamais, ça a démarré en juillet hein. Ouais, enfin, je début, sais, hein. Je sais, mais moi j'aime pas enfin Secret Story, j'aime pas regarder au début parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. C'est vrai qu'au début, c'est le truc ouais. Tu sais, j'ai regardé vite fait comme ça et tu sais, ils ont quand même mis 2 semaines avant de trouver un secret les mecs. Non, c'est vrai que c'est un peu mou du genou. Et Julie le regarde ou pas ? Alors moi j'avais une petite semaine de vacances, donc j'ai pu regarder et c'est assez énorme. Oh, la semaine de tristesse de vacances. Ah ouais, je me caressais les seins en regardant le beau Geoff. Ouais, j'avais tof, ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vas en vacances pour regarder Secret Story ? Voilà, exactement. Mais tu vas où en vacances ? Mais je vais en Bretagne, tiens, c'est pourquoi. Ouais, bah maintenant c'est pourquoi, effectivement. Ouais. Bon, j'aime bien rester sous la couette. Et donc vous savez donc que c'est Morgan qui est sorti vendredi. Morgan, c'est lui. Eh ouais, je suis Pom Pom Boy ! Eh ouais ! Et oui, il est content, Pom Pom Boy d'ailleurs. Oui, donc Morgan, évidemment, on sait qui tu es, évidemment, mais c'est fini. Hein. Tu as malheureusement été éliminé. Hey, ouais, non, tu as été éliminé. Non, non, tu as été éliminé. Donc, est-ce que vous avez compris le principe du jeu d'ailleurs, de ce magnifique jeu justement ? Bah ouais, je pense que le but c'est de toucher les 150 000 à la fin. Oui, c'est une manière de voir. Julie a compris le principe du jeu vu qu'elle regarde depuis une semaine. La manipulation, non, c'est pas ça. Non, vous n'avez rien compris, mais rassurez-vous, justement, Juliette va vous expliquer tout de suite. On est là pour modifier les codes, pour se donner à fond et pour essayer de repousser les limites de notre cerveau tous les jours. Oui, évidemment, le problème c'est que la limite a vite été atteinte avec Juliette et puis avec les autres aussi d'ailleurs. Hein. Marie, qui souhaite tu nominer en premier ? Donc ça veut dire quoi en fait en premier ? Voilà, je pense qu'on a atteint le top du top. Hein, voilà. Je ton mari. Je vous le remets, Marie. On va se poser la question aussi d'ailleurs. Ça veut dire quoi à votre avis en premier ? Marie, qui souhaites-tu nominer en premier ? Donc ça veut dire quoi en fait en premier? Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est une grande question évidemment. Et puis dans le genre, on a aussi Aurélie, notre chère compatriote. Alors la question c'est pourquoi quand on a une belle, quand on a une compatriote, c'est toujours une mongolienne? À chaque fois. Non mais c'est relou quand même. Hein. Mais donc, même en même temps, même les Français c'est des Mongoliens. Donc... Ouais, je sais, mais enfin oui, quand même là c'est relou. En fait le concept on pourrait c'est pas sortir d'où du jeu quoi. Un peu. C'est pas d'où ils viennent, c'est sont-ils mongoliens? Ouais ouais c'est vrai. Bon enfin c'est relou quand même. Et donc du coup bah elle a bien compris le principe de la contradiction également justement hein, la petite. Attends laisse-moi parler parce que là je commence à m'énerver. Elle allait de pouvoir me dire à moi ouais mais ce que tu me fais c'est pas bien, c'est mauvais. Je me demande bien pour qui tu te prends. Eh oui. Alors si t'as quelque chose à dire tu parles. Voilà, donc ferme ta gueule mais parle-moi. Je crois qu'elle est hystérique. Tu vois, c'est ça. Donc si tu t'énerves, c'est pas grave, mais il faut que tu me dises quand même. Il faut que tu me parles mais me parle pas. Elle a l'air un petit peu bizarre aussi la petite quand même. Hystérique, j'ai envie de dire. Voilà. Hystérique. Bon, donc si vous avez loupé, si on a loupé des trucs de Secret Story, que vous êtes peut-être fan et vous n'aviez rien à faire pendant les vacances, et du coup vous avez tout regardé, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça bien sûr sur mikael@funradio.be. Il est 6h57 sur Fun. Mikael à la radio, on a eu des problèmes ce matin mais là ça va mieux. Et les infos qui vont arriver dans un instant avec Julie. Eh oui, c'est avec moi. Des belles infos ou la déprime totale? Bah, c'est pas terrible. Non, mais c'est pas terrible. Bon, bah, très c'est bien. Pour ça, elle vend le vélo. Pour bah, voilà. C'est ça. Bon, on revient dans un instant. C'est le morning jusqu'à 9h30 sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Dans un instant, les infos. Mais avant cela, nous avons Fabien avec nous au téléphone. Salut Fab. Oui, bonjour. Comment ça va, Fabien? Ça va très bien, magnifique journée qui s'annonce. Eh bah t'as bien de la chance parce que nous on a mal démarré hein, mais... mais bon ça va mieux là. Bon pourquoi magnifique journée là? Il y a un truc de prévu en particulier, les vacances, quelque chose non? Non, rien du tout, rien de spécial. D'accord, donc magnifique journée qui s'annonce alors hein. Bon en tout cas la magnifique journée s'annonce puisque a priori tu aurais la bonne réponse à la question qui colle. Donc c'est un Israélien qui a trouvé quelque chose dans le mur des lamentations, mais qu'a-t-il trouvé? Oui, c'était un chèque de 100 000 dollars. Oui, effectivement, oui, un chèque de 100 000 dollars. Et apparemment, c'est un autre homme qui a été se recueillir et donc il a mis un chèque dans le mur à l'attention. Alors c'est quoi? Le chèque a été destiné à sa sainteté, le mur des lamentations. Et le mec qui a trouvé a déclaré qu'il comptait bien le toucher. Voilà, bah, il a raison, vrai, moi aussi je prends un chèque de 100 000, je l'encaisse. Ouais, franchement, moi aussi. Ouais. Je discute pas. Non, franchement, moi aussi. Bon, bah, bravo à toi, Fab, c'est gagné. Je te renvoie au standard. On va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer un cadeau très très très vite, d'accord? Eh ben, je vous remercie, Fun Radio, bonne journée. Je t'en prie, merci à toi, salut, à bientôt. Et puis une autre question qui colle, ce sera tout à l'heure bien sûr. On aura aussi tout à l'heure la ligne anti-relou, les messages que vous avez laissés au 0473 86 00 13. Et puis on aura un petit appel de Toff qui a visiblement pas envie de retourner travailler. Non, j'ai pas envie. Mais rassure-toi, la radio ne veut pas que tu travailles non plus visiblement. Oui, c'est ça, donc c'est ça qui était bien. Non, mais je me suis dit peut-être que je pourrais essayer d'obtenir un certificat médical. Peut-être. Pour pas aller bosser aujourd'hui. Ou pas, peut-être. Bon, avant ça, on va faire péter les infos. Il est 7h. Allez, 7h du mat, c'est parti maintenant avec les infos et c'est Julie qui s'y colle. Salut à tous. En Argentine, deux hommes arrêtés ont avoué le meurtre des deux touristes français, selon un journal local. Ricardo Vera, 37 ans, et Dario Ramos, 47 ans, auraient avoué avoir tenté de voler Uria et Cassandre, mais que celle-ci avait résisté. Les deux hommes disent les avoir alors frappés et violés, mais accusent un autre homme, arrêté mardi dernier, d'avoir tiré les coups de feu mortels. Retour chez nous avec cet important incendie hier dans une boulangerie industrielle à Molenbeek. Le feu s'est déclaré en début de soirée. L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée noire. Visible depuis une bonne partie de la capitale, trois employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Selon leur dire, le sinistre aurait débuté après une explosion. L'incendie d'origine accidentelle n'a heureusement pas fait de victimes. L'événement a donné lieu à quelques violences entre des jeunes du quartier et la police envoyée sur les lieux, notamment pour établir un périmètre de sécurité autour de l'édifice en flammes. Le Premier ministre Yves Le Terme appelle les parlementaires à écourter leurs vacances. La raison, la crise de l'euro. Il faut absolument boucler le budget 2012 et approuver rapidement les décisions européennes du 21 juillet dernier pour mettre un terme à la crise. Le formateur Elio Di Rupo se dit prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement en affaires courantes. En tout cas, la reprise des négociations politiques, le formateur a précisé qu'elle reprendrait dès le 15 août. À Fleurus, plus, un habitant s'est retranché chez lui hier en début de soirée après s'en être pris à des ambulanciers qui venaient à son aide à la suite d'un malaise. L'homme, visiblement sous l'influence de l'alcool, semblait sous le coup de tendance suicidaire, mais avec pour seule arme un couteau de grande taille. Un périmètre de sécurité a été installé dans le quartier. Tout est rentré dans l'ordre vers 22h. Et puis enfin en sport, week-end chargé en football, le Standard s'est imposé fièrement face à Lokeren 3-1. C'est une première victoire du Standard de la saison, surtout depuis que José Riga est entraîneur des Rouges. Et puis pour Westerlo et Courtrai, ils se sont séparés sur un nul partout. Par contre, Saint-Tron et FC Bruges ont assuré le spectacle quittant sur 3 partout. Ouais, bah je sais, j'avais mis 5 euros sur Bruges. Ah bah voilà. J'étais dormi à mi-temps 3-0, je me réveille 3-3, j'étais vénère. Bon, allez, on fait un tour du côté de la météo. Bon alors c'est pas terrible pour reprendre la semaine. C'est un lundi sous la pluie qui nous attend avec des températures en baisse de 13 à 18 degrés. Cet après-midi on pourra même s'attendre à un risque d'orage. Demain les éclaircies seront rares et les températures toujours aussi fraîches. Eh ben ne bougez pas aussi parce qu'il y a l'info en plus qui arrive juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et oui, effectivement, on est là et on essaye en tout cas, 7h03. Et puis, c'est l'info en plus maintenant, hein. Quelle est l'info en plus? Petite dernière information, les Sims devraient débarquer sur Facebook cet été. Ah, quelle bonne nouvelle! Et oui, ce n'est un secret pour personne, le jeu social sur Facebook est un phénomène de masse. On connaît déjà évidemment Farmville, vous connaissez Farmville, Tof? Oui, bien sûr, je reçois à peu près 200 invitations par jour. Voilà, donc oui, je connais Farmville, mais je n'ai pas joué. Et bien maintenant, il faudra faire de la place à Sims Social. De Sims Social permettra aux joueurs de créer évidemment leur sim, de construire la maison de leur rêve, de se faire des amis, voire plus si affinités, voilà qui devrait intéresser Tof. Et donc, à tout moment, avec tous leurs amis, donc sur Facebook, la page dédiée facebook.com/simsocial réunit déjà plus d'un million de femmes. De fans. De fans, oui, parce que s'il y avait qu'un million de meufs, moi j'y vais. Je suis là, j'y vais. C'est clair. Décidément, j'ai un problème avec ce mot. Ouais, je sais. Avec les femmes, tu as un problème avec les femmes. Non, mais non, justement, pas du tout. Ah bon. Tu es... J'aime beaucoup les hommes. Tu aimes les femmes, mais c'est pas grave. On lance déjà des rumeurs comme pas ça. Pas du tout. Bah écoute. Alors donc, 1 million de fans déjà sur cette page, alors que la sortie du jeu est attendue pour cet été, sans autre précision. D'accord, très bien. Bon, voilà, pour en plus, si vous en avez d'ailleurs à faire partager, n'hésitez pas. Puis si vous aimez les femmes qui aiment les femmes, n'hésitez pas, julie@funradio.be, elle se fera un plaisir de répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Restez là dans un instant, on va payer vos factures, je t'en prie. Si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par facture et puis vous laissez le montant de la facture avec l'objet de la facture tout simplement et puis on va essayer de vous rappeler pour vous payer justement cette facture. Ça peut faire plaisir justement avant le retour au travail à partir du mois de septembre et au niveau du son sur Fun Radio. Colonel Riel, c'est Aurélie sur Fun. Le son du Colonel Riel à l'instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est tous les matins jusqu'à 9h30 pendant les vacances d'été entre autres. Il est 7h08. On est toujours là avec Julie, avec Tof également et puis avec les factures. Eh oui, les factures. Vous payez maintenant. Et Tof, il a absolument pas son casque, il était absolument pas prêt. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais le truc de SMS qui était prêt avec la facture et il a planté genre. Bah regarde, il est revenu sur la page d'accueil. Oui, c'est vrai. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Allez, c'est parti, on va donc appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 avec le code facture en mettant le montant de la facture qu'il ou elle voudrait qu'on lui paye et l'objet de la facture. Tu voudrais qu'on te paye quoi toi Julie là, si t'avais une facture à te faire payer là maintenant? Alors tout de suite, vu le temps qu'il fait, peut-être des vacances aux Caraïbes, hein, quelque chose comme ça. Ah oui, facile, un truc bien quoi. Petit. Voilà. Je me suis dit bon, elle va vouloir qu'on lui rembourse la porte de sa voiture qu'on lui a défoncée. Non, des vacances aux Caraïbes. C'est pas mal, j'avais pas pensé. Ouais. C'est ça. Bon, allez, parti, on appelle quelqu'un maintenant et puis le but, si il ou elle décroche, c'est gagné, on lui remboursera la facture qu'il ou elle nous a envoyée par SMS. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, 6322, débuter le message par facture. C'est parti. C'est une facture de GSM. Oh, c'est le répondeur. C'était 150 euros quand même. 150 de GSM. Oui, je sais pas cher, ce qu'il fait avec son téléphone. Ah je sais pas non plus, mais il va falloir qu'il se calme très vite. Il a coupé, hein. Pas payé, coupé. Peut-être que la ligne a coupé. C'est peut-être ça. Ouais. Ah, dommage. Bon, en tout cas, si jamais tu n'as pas laissé un message vocal sur ton répondeur, je vais t'en j'en laissais un. Donc malheureusement, c'était ben, c'est perdu. Hein. Donc c'est Mickaël. T'étais en direct à la radio sur Fun. On t'appelait pour ta facture de 150 boules pour le téléphone. Et ben c'est raté. Mais tu retentes ta chance quand tu veux. N'hésite pas. Et puis ben, vous aussi d'ailleurs, hein, qui êtes derrière la radio partout en Belgique. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis on vous rappellera d'ici une petite heure afin de peut-être payer vos factures également. Voilà. Bon, on a un petit blind test aussi qui va débarquer d'ici quelques instants. Si vous voulez jouer avec nous, 30-44, débutez le message par 90, puisque c'est un blind test sur les années 90. T'es forte ou pas, Julie, là-dedans? On va voir. Bon, bah très bien. Et puis au niveau. Ça sera la surprise. C'est ça. Et au niveau du son, maintenant, on va s'envoyer le son de Cathy Hysterica avec Electric Violin sur Fun Radio, 7h10. Le son de Cathy Hysterica à l'instant sur Fun Radio avec Electric Violin, il est 7h13. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, on fait ce qu'on peut, hein. C'est surtout ça le truc, effectivement, on essaye. Bon, il y a juste une facture qui va d'arriver, ça m'a fait. Je ne sais pas ce que c'est. Donc 63-22, si vous voulez qu'on paye vos factures. Hein. 63-22, débuté par facture, vous laissez le montant de la facture et l'objet, et j'ai facture 89€, poubelle. Ah. C'est quoi? C'est la taxe poubelle? C'est, non, c'est les amendes. C'est... Ah, c'est l'amende, c'est poubelle. Amendes, bah oui, mec, c'est bah, ça. C'est, écoute, si tu fais pas de la merde aussi, que je qu'on te dise. 89 euros. C'est cher, c'est hein, énorme. Quoi. À mettre la poubelle le mauvais jour, ça coûte cher, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, si, si, oh, je crois que Vince, il en a déjà pris une comme ça aussi. Ah, ouais, bah écoute, c'est normal, bien fait pour lui, tiens. Bon, Vince, que vous retrouvez ce soir pour aller Brantaine à partir de 20h. Et puis, bah là, c'est parti. Hein. On va démarrer maintenant avec l'horoscope. Et oui, on l'avait pas encore fait ce matin. Et c'est Doudou qui est avec nous, qui était déjà venu tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de faire l'horoscope, malheureusement, à cause de petits problèmes qui caillaient sa race, apparemment. Ma... Vous êtes réchauffé, Doudou? Ma oui, mais comment tu veux que je me réchauffe? Il pleut tellement que j'ai les os trempés. Hein, chez moi, il fait parfois un an sans la pluie, moi, je comprends pas comment vous faites. Bah, je sais pas, faites des réserves pour la famille, Doudou, là. Hein. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, donc, Doudou, c'est notre marabout hein, qui va venir nous faire l'horoscope tous les matins. On y va, Doudou? Allez, ah, Bélier. Oui. Allons-y, ah, bah, c'est une journée de travail très active. Eh oui, c'est fini, les week-ends. Eh oui, c'est sûr. Hein. Taureau, maintenant. Mercure, il va vous protéger toutes vos activités. Alors, c'est le moment si tu veux faire des conneries. Hein. D'accord, Gémeaux. Votre tonus, il est très fragile. Économisez votre énergie au maximum. Hein. Ce ne sera pas la première fois que vous glandez au travail. C'est vrai. Ça, c'était le signe de Julie, je crois, non? Moi, je suis cancer. Ah, cancer, bah, c'est maintenant. Tiens, cancer, oui, c'est Doudou. Maintenant. Une journée laborieuse et remplie d'obstacles. Hein. Oui, oui, oui, on avait remarqué. Oui, il faut qu'elle fasse attention que ça ne se traduise pas dans sa mauvaise humeur habituelle. Hein. Ah, oui. Ben voilà, je vais essayer. On avait remarqué aussi. On ne connaît pas encore bien Julie, mais visiblement, elle a l'air de mauvais poil. Lyon, ah, oui. Maintenant. N'ayez pas peur de prendre des initiatives ou de mettre vos idées originales en pratique. Hein. Vous aurez des bonnes retombées. Bon, bah tant mieux. Les Vierges. Au travail, vous surmontez les difficultés, les obstacles. Hein. C'est ce qui vous fera passer, qui passera pas inaperçu. Pardon. D'accord. Bon, on imagine que le technicien de Fun est Vierge. Balance. Alors, c'est une journée qui sera excellente pour faire des démarches. Hein. Faut mettre tous vos atouts en avant et surtout postuler pour un nouveau travail, c'est mieux. Bon, les Scorpions, Doudou. Alors, vos rapports avec votre entourage professionnel seront placés sous les signes de la détente. Alors, sautez les hamacs. D'accord, ok. Les Sagittaires. Ah, les temps, ils jouent en votre faveur. Pas la pluie, hein, le temps de ta montre. Hein. Bien sûr. Mais profitez-en pour faire le point, vous organiser au mieux. Bon, les Capricornes. Si vous avez un projet audacieux, méfiez-vous, c'est pas le jour. Hein. Prenez du recul parce que le ciel, il est pas avec vous. Bon, et les Verseaux. Rien ne viendra troubler vos activités de la journée. Hein. Hein, donc, messieurs, tout, pas de décision d'argent aujourd'hui. Hein. Pas d'achat, pas de vente et encore moins des investissements à la bourse et se casse la gueule. Ah oui, ah oui, oui, surtout aujourd'hui. Et puis les Poissons pour finir, Doudou. Ne restez pas dans votre coin car vous avez un urgent besoin de contact. Si vous avez besoin, j'y suis là. Ben, on imagine bien, oui. Bon, ben, parfait, merci Doudou. Vous revenez tout à l'heure alors? Mais oui, je vais me reposer là. Bon, ben, très bien. C'était ben, dû, tout ben, ça. J'imagine bien. Ben, reposez-vous bien là. Et puis 6h, 9h30, on est là. Il est 7h16 maintenant, justement. On va s'écouter le son de Mika avec Elle me dit. Puis petit blind test juste après. Petit blind test sur les années 90. Un petit peu particulier le blind test, vous verrez. Si vous voulez vous inscrire, 30-44 débuté par 90. C'est Mika maintenant. Elle me dit, écris une chanson contente. Danse. Mika, à l'instant sur Fun Radio à 7h20, c'était Elle me dit. Ah, ça marche plus. Ah, voilà. Il vous manque déjà. Pas de panique. Ah oui, bah c'est bien ça. Oui, rassurez-vous. Fun Radio revient demain dès 6h. préparer votre réveil. C'est pas moi en plus. Le truc était mal mis. Oui, mais rassurez-vous, je serai là aussi demain à partir de 6h. Ne vous inquiétez pas. Allez, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec Julie et avec Toff qui sont là également. Et puis avec vos factures que vous envoyez en masse aussi au 6322. On fera un tirage au sort tout à l'heure pour voir lequel d'entre vous. On va tirer au sort. 6322, débuté par facture. Votre message avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est 1€ par message envoyé ou reçu, mais on peut vous la rembourser complètement. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez, blind test maintenant, spécial 90. Alors, je sais pas si vous avez vu sur le net, il y a un groupe de chanteurs danois qui a repris les tubes des années 90 a cappella. Chris Pauls. Ah non. Non, a cappella, il a repris. Hein. Le groupe, c'est Local Vocal. Et alors, ils font tout à la bouche, un peu comme, comme Pow Wow. Vous souvenez? Ah oui. Le lion est mort ce soir. T'as vu, Julie, vous allez être dans la merde. Hein. Je vous laisse tout seul là-dedans. Elle a pas chanté. Hein. Bon, en fait, c'est pareil, mais en mieux. Enfin, je pense. Oui, hein. Mais surtout en mieux que nous. Ouais. Et donc, je vous avais demandé de vous inscrire. On a maintenant Rémi qui est avec nous. 20 ans de Herve. Salut Rémi. Salut Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, quel temps magnifique fait-il à Herve? Ben, ça va, il y a peu de soleil. Ah bon, bah dis donc, t'as bien la chance. Depuis très longtemps, je te rassure. Ah ouais, alors dis donc, ça va, tu. Oui, il fait beau chez moi. Ouais, mais va pleuvoir, connard. Ouais, ça va pas durer. Attends, fais un petit peu de respect, s'il te plaît, quand même. Voyons. Bon, de l'autre côté, Anthony qui est avec nous, 17 ans de Charleroi. Salut Anthony. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va bien, ouais. Bah comme un matin, hein, 7h21, on est bien dans la patate. Tout va bien pour l'instant, on premier a les jour. Yeux ouverts. Ouais, on a encore les yeux ouverts et tout se cool. Bon, alors, vous êtes là pour le blind test années 90 et donc vous êtes calé en années 90 malgré que vous ayez 20 et 17 ans? Bah oui, ça va. Ah bah dis donc, ça commence bien. Au revoir. Bon, alors on fait le premier son. Alors je vous ai dit, hein, c'était une version un peu particulière. Hein. On fait le premier son, à vous de deviner. C'est normal que j'ai de la musique derrière. C'est normal que tu aies de la musique, mais tu ne vas plus avoir la musique très longtemps, rassure-toi. Non, bah oui, c'est normal, oui. T'inquiète pas. Ouais. Bon, alors, attention, tu es prêt, tu entends bien? Enfin, tu entends bien. Bon, l'instant, tu n'entends pas encore grand-chose, mais je vous mets le son maintenant. Écoutez bien le premier extrait. Y'a rien. Comment ça, y'a rien? Mais si, y'a quelque chose, là, je suis à fond, là. Y'a rien. Enfin, si, c'est à toi à fonctionner. Sinon, on le fait à la bouche. No, there's no limit. Vous voyez pas, là? No Limit, le titre, non? Anthony? Non. Non plus? Bon, bah tant pis, c'était Too Unlimited. Ouais, c'est vrai que c'est. En plus, c'est belge, hein. Too Unlimited avec No Limit. Version. Mais ouais, mais c'est. Année 90, mais année 91, moi. Lui, après, encore. Ah bah oui, mais bon, ça, j'y prie rien, moi. Hein. Après, pour info, No Limit, c'était en 92. Ouais. Tu vois, tu chipotais en plus. Hein. Deuxième extrait. Oui, bah. Écoute bien le deuxième extrait. Ah, celui-là, il est chelou. Derrière. Ace of Base. Oh. Ah oui, maintenant on reconnaît, ouais. Maintenant on reconnaît, ouais. Effectivement, avec All That She Wants. Enfin, au début, j'ai pas reconnu pour le coup. Hein. Troisième extrait. Hey, j'ai pas de son, moi. Bon, signe alléluia. Mais si t'as du son, si Anthony il a du son, tu dois avoir du son. Non, j'entends rien, moi. Oh là là là là. Genre, c'est un problème chez nous. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Bon, vous savez quoi, on va faire gagner tous les deux, ça sera plus simple. Hein. Bon, Docteur Alban là. Mais comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, on va mettre un son comme ça, tiens? Faut vouloir quand même, hein. Je sais pas. Tu écouterais ça dans ta voiture ou pas, Julie, toi, non? Pas trop. Non? J'avoue, pas trop. Étonnant, tiens, c'est bizarre que tu n'écouterais pas ça dans la voiture. Bon, Docteur Alban, il y avait aussi La Bouche, hein, comme ça vous voyez, pour ceux qui connaissent pas. Bon, ça, on reconnaît. Au début, en même temps, le début de la chanson, c'est pareil. Ça me fait à moitié peur, moi. Mais il faut pas, voyons. La. Voilà, La Bouche, donc. Bon, c'était particulier. Bon, on va vous faire gagner tous les deux. On a eu quelques petits problèmes techniques. En même temps, c'est normal, c'est le 8 août. Hein. C'est ça. C'est normal. C'est le 8 août. Voilà, c'est le 8 août. C'est le 8 août, ça part en couille, c'est normal. Bon, c'est pas grave. Anthony et Rémi, vous allez rester au standard. On va quand même vous filer un petit truc pour votre participation. Même si vous n'avez pas beaucoup gagné. Ouais, on est trop sympa. Ouais, je sais, on est trop gentil. En même temps, on a eu des problèmes, donc c'est normal. C'est normal qu'on fasse péter les cadeaux. C'est normal, j'ai envie de dire. Voilà. Gentil. Bon, vous avez prévu quoi aujourd'hui, vite fait là? Bon, rien de spécial, parce qu'il fait mauvais, quoi. Donc, ouais, bah c'est ça. Bon, tout à l'heure, il dit qu'il faisait du soleil, Rémi, voyons. Et toi, Anthony, tu dis? Moi, je vais attendre. D'accord, tu vas attendre. Bah, écoute, tu vas attendre, d'accord, ok. Ah, ok, j'avais compris aussi, attendre. Eh bah écoutez, amusez-vous bien, alors. Hein. Bon, allez, on va revenir dans un petit instant. Il y aura les infos qui vont débarquer d'ici quelques instants. Puis la ligne anti-relou qui va débarquer d'ici un petit quart d'heure. Le temps d'écouter Bob Sinclair avec Raphaël Acara maintenant. C'est Far l'amour. Si ça marche. Si ça fonctionne. Mais j'ai peut-être fait une connerie moi-même tout à l'heure en fait. Hein. 30 secondes, je vais réessayer un truc là. Eh ben non. Bon, on se met la pub et on revient après. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Et on est là effectivement tous les matins, il est 7h28, dans quelques instants on fera péter la ligne anti-relou. Je vous rappelle que si vous êtes en soirée, si vous allez en soirée, il y a un mec ou une meuf qui vous saoule, en général c'est plutôt les mecs, n'hésitez pas à leur donner... Pourquoi tu dis ça? Non, parce qu'en général c'est moi, plutôt les pourquoi. Mecs. Ouais, voilà c'est ça, je l'y vois très bien. Donc là, à leur donner le numéro de la ligne anti-relou de Fun Radio, 0473 86 0013. Vous leur donnez ce numéro, donc ils vous appelleront en pensant tomber sur votre répondeur et puis bah, laisseront un petit message qu'on écoutera avec grand plaisir. Julie qui est en train de bailler en disant oula, un petit coup de fatigue qui vient d'arriver. Pas du tout, non, ah, bon, ça va. Tu vas imaginer là. je sais pas. Donc 0473 86 0013, on paiera vos factures d'ici quelques instants. Et puis 7h28, un petit peu avant tout le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. En Argentine, deux hommes arrêtés ont avoué le meurtre des deux touristes français, selon un journal local. Ricardo Vera, 37 ans, et Dario Ramos, 47 ans, auraient avoué avoir tenté de voler Uria et Cassandre, mais que celle-ci avait résisté. Les deux hommes disent les avoir alors frappés et violés, mais accusent un autre homme arrêté mardi dernier d'avoir tiré les coups de feu mortels. Tous mobilisés contre le crash boursier, le mot est fort, mais depuis l'abaissement de la note de la dette américaine par Standard & Poor's, toutes les bourses du monde baissent sérieusement aujourd'hui. Ce n'est pas encore la dégringolade totale, mais le spectre d'un nouveau crash boursier inquiète. Ce matin, les marchés asiatiques ont ouvert sans surprise à la baisse. Le G7 se dit déjà prêt à contrer les mouvements excessifs de change. Justement, le Premier ministre Yves Le Terme appelle les parlementaires à écourter leurs vacances. La raison, la crise de l'euro. Il faut absolument boucler le budget 2012 et approuver rapidement les décisions européennes du 21 juillet dernier pour mettre un terme à la crise. Le formateur Élodie Rupo se dit prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement en affaires courantes. En tout cas, la reprise des négociations politiques, le formateur a précisé qu'elle reprendrait dès le 15 août. Retour donc chez nous avec cet important incendie hier dans une boulangerie industrielle à Molenbeek. Le feu s'est déclaré en début de soirée. L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée noire visible depuis une bonne partie de la capitale. Trois employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Selon leur dire, le sinistre aurait débuté après une explosion. L'incendie d'origine accidentelle n'a heureusement pas fait de victimes. L'événement a donné lieu à quelques violences entre des jeunes du quartier et la police envoyée sur les lieux, notamment pour établir un périmètre de sécurité autour de l'édifice en flammes. Les campagnes Bob sont apparemment indispensables selon les derniers chiffres. Sur plus de 100 000 automobilistes contrôlés à l'alcotest ces dernières semaines, 5 500 étaient positifs, ce qui équivaut donc à 5%, alors qu'en hiver, les contrôles de fin d'année, un peu plus de 3% roulaient sous l'influence de l'alcool. Et puis enfin en sport, week-end chargé en football, le Standard s'est imposé fièrement à Lokeren 3-1. C'est la première victoire du Standard depuis que José Riga entraîne les Rouges. Westerlo et Courtrai se sont séparés sur un nul partout. Et puis enfin, Saint-Tron et FC Bruges ont assuré le spectacle en se quittant sur 3 partout. Et quel spectacle, j'avais misé 5 euros sur Bruges. Ah, bravo. Je suis vénère. Bon, allez, on se fait un tour du côté de la météo à 7h31. Mais désolé, c'est pas terrible pour reprendre la semaine. C'est un lundi sous la pluie qui nous attend avec des températures en baisse, 13 à 18 degrés. Cet après-midi, on pourra même s'attendre à un risque d'orage. Demain, les éclaircies seront rares et les températures toujours aussi fraîches. Et l'info en plus. Radio. L'info en plus maintenant alors. Eh bien, les Sims devraient débarquer sur Facebook cet été. Ce n'est donc un secret pour personne. Le jeu social sur Facebook est un phénomène de masse. On connaît déjà Farmville, n'est-ce pas, Mickaël Toff? Bien sûr. Toff joue à fond sur Farmville. Non, je ne joue pas sur Farmville. D'ailleurs, je voulais saluer Odette qui doit avoir à peu près 60 ans, qui m'envoie une invitation tous les jours. Odette, je ne viendrai pas sur Farmville. Eh bien, voilà un nouveau jeu pour Odette, les Sims Social. Deux Sims Social permettra aux joueurs de créer leur Sim, évidemment, de construire leur maison de rêve, de se faire des amis, voire plus si affinité avec tous leurs amis Facebook. La page dédiée facebook.com/simsocial réunit déjà plus d'un million de fans, alors qu'à la sortie du jeu est attendue pour l'été, sans autre précision. Voilà, donc Julie avait un petit sourire sur fan, parce que si vous n'étiez pas là il y a une demi-heure, elle a dit femme, alors du coup là, ça allait tomber dans un éclat de rire pendant deux heures. Donc voilà, c'est pour ça, je préférais vous préciser un petit peu. Ouais, parce qu'il faut rappeler que Julie fréquente des clubs un petit peu spécialisés. De femmes qui aiment les femmes. Et il n'y a pas de mal. Bon, allez, est 7h32, Mickaël à la radio. Dans quelques instants, restez bien là, puisque nous allons faire péter la ligne anti-relou. 0473 86 0013, c'est le numéro que vous devez téléphoner, que vous devez donner, pardon, à tous les relous que vous croisez et qui voudraient éventuellement votre numéro pour vous draguer. Et au niveau du son, c'est Pitbull qu'on va écouter dans un instant avec Marc Anthony, c'est Rain Over Me. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Pitbull avec Marc-Anthony à l'instant, c'était Rain Over Me sur Fun Radio. Mickaël à la radio tous les matins jusqu'à 9h30, le morning de l'été, il est 7h37. Bonjour et bon réveil. Dites-nous d'ailleurs comment ça se passe ce matin. Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous êtes encore au lit en train d'écouter la radio? Peut-être ça peut être bien. 30-44, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et Julie qui rêverait d'être au lit actuellement. Voilà, exactement, tu as vu, mais mon regard quand tu as dit lit. Ouais, quand j'ai dit lit, il y a eu des étoiles dans les yeux, exactement. Elle était au top. Elle se dit, ah mon Dieu, ce serait bien d'être dans le lit. Ah ma chérie, j'arrive, tu rentres à l'émission. Ouais, ça pourrait être bien. Attends-moi. Bon, Tof, donc t'as décidé d'appeler qui ce matin? Parce que j'en parlais tout à l'heure, puisque la flemme de revenir travailler. Ouais, c'est ça, faut que je dise la vérité. En fait, j'essaie d'esquiver et tout. Et donc, je me suis dit que peut-être j'arriverai à obtenir un certificat médical pour repartir en congé dès demain. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu voudrais appeler qui? Bah, je sais pas. Là, je pense que là où il y a le plus de médecins, c'est une clinique. Donc, donc là, j'ai pris des numéros de clinique. Et je me dis qu'il y a peut-être un médecin sympa qui va. Ouais, bah, c'est sympa. Accepter ou pas, de me faire un petit certificat. Ouais, peut-être, ouais. Bon, on va où? Dans quelle ville? Allez, Verviers. On va à Verviers. Allez, oui, c'est parti. On va. Fous. Ouais, bah, soyons fous. Ouais. On y va, c'est parti. Appelons directement à Verviers maintenant. Parfait. CHU Clinique Sainte-Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je souhaiterais prendre un rendez-vous avec un docteur. Oui, lequel? Peu importe, celui qui est disponible le plus rapidement possible. Mais j'ai de tout. Ça dépend ce que vous souhaitez, monsieur. Un certificat médical pour pas aller au travail. Oui, parce que vous avez un problème où? Bah, ça dépend. Dites-moi quel médecin est disponible, je vous dirai où j'ai mal. Ah oui, mais dans ce cas-là, non, écoutez, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons des rendez-vous pour des cas d'urgence. Oui, mais c'est une urgence, c'est une urgence, madame. En fait, j'étais en... Alors écoutez, je vous passe le service des urgences et voyez avec le médecin résident s'il veut bien vous faire votre certificat. D'accord, bah, très bien, merci. Merci, madame. Oui, cordial, déjà. Là, tu t'en voyais chier complètement. Ah, est-ce que ça a coupé? Ah non. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me faire un certificat médical aujourd'hui pour que j'ai une semaine de congé en plus. Non. Et on peut peut-être s'arranger. Moi, j'ai pas de temps à perdre, monsieur. Mais non, mais moi non plus, monsieur, c'est pour on ça. Je suis un médecin traitant, de toute manière, on fait pas de certificat médical sans raison valable. Donc voilà, donc moi, la réponse est non. Et peut-être, voilà. Peut-être que je pourrais avoir une pathologie. Oh, j'ai pas de temps à perdre, il y a beaucoup de monde. Au revoir, monsieur. Mais attendez, monsieur. Mais attendez. Au revoir. Bah non, attendez, j'ai pas envie d'aller travailler, faites quelque chose. Oui, bah oui, oui, bah voilà, je pense que c'est un échec cuisant, hein. Ouais, je suis pas prêt de repartir en vacances, moi. Non, bah je te confirme. J'ai d'autres numéros, Bah on l'essaiera tout à l'heure, peut-être, alors, hein. Tu connais pas un médecin, Julie, non? Bah non, malheureusement, non. Sinon, peut-être que je serais encore dans mon lit. C'est ça, malade, évidemment, hein. 42 fièvres, le drame. Voilà. Bon, 30-44 pour vos messages, on essaiera de rappeler tout à l'heure pour voir si Tov va réussir, oui ou non, à avoir un certificat, en fait, hein, pour être en congé pendant toute la semaine. On aurait peut-être dû prendre une semaine en sus. Ah ouais. Ça aurait été bien aussi. Bon, dans un instant, les numéros de la ligne anti-relou, les messages de la ligne anti-relou, on va les écouter. On aura la question qui colle également, et puis on va revenir dans un instant avec le son de Shana Paul, il y aura aussi Swedish House Mafia ou encore Shakira avant 8h du mat. Ne bougez pas de là, c'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Oui, on fait ce qu'il peut, on fait ce qu'on peut aussi. Je m'attendais à celle-là, en fait, c'est pour ça. Je me suis bourré. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Bon, c'est Mickaël à la radio tous les matins jusqu'à 9h30, heure à laquelle on va retrouver Lucas d'ailleurs. Et puis, on va faire un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Alors, il y a un véhicule qui est en panne dans l'échangeur N183 avec la N16 à hauteur de Willowbrook. La chaussée est fermée, une déviation a été mise en place via Krellenberg. Et puis, je vous rappelle surtout cet accident sur la N676 à hauteur de Amblève. Et ce, dans les deux sens, la chaussée est fermée, la circulation est à l'arrêt au kilomètre 7. C'est un camion qui est sur le flanc, la déviation a été mise en place. Ouais, ils sont en train de l'emblève. Voilà, exactement. Ouais, je croyais que t'allais refaire la vanne sur le flanc. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, il y a une demi-heure. On est très déçus. Hein, tout le public est totalement déçu. D'ailleurs, c'est vraiment dommage. T'as vu, je fais un effort. Chaque fois, une autre vanne. Oui, chaque fois, une autre vanne. C'est bien, ça se renouvelle en plus. C'est cool. Ouais, bon, elles sont toujours aussi mauvaises. C'est vrai. Chaque fois, une autre vanne. Dans un instant, c'est Shakira avec Pitbull qui arrive avec Rabiosa. Mais avant cela, et oui, c'est ce que vous attendez tous chaque matin. Je le sais maintenant. La ligne anti-relou. Vous êtes nombreux à donner ce numéro qui a déjà fait le tour du monde, en tout cas sur Facebook. 0473 86 0013. Le concept est le même qu'avant. Vous donnez ce numéro de téléphone quand vous êtes en boîte, quand vous êtes avec un mec qui vous prend un peu la tête, ou qui vous prend un peu la jambe, ou qui vous fait chier en fait, en gros, qui aimerait bien vous prendre la jambe. Donc voilà, vous lui donnez ce numéro de téléphone, il vous rappellera en étant probablement relou tel qu'il a été quand vous l'avez rencontré. 0473 86 0013. On va s'écouter les premiers maintenant. C'est arrivé directement sur le répondeur de Julie, il faut le savoir, hein. Donc c'est, voilà. D'ailleurs, on donnera son numéro de téléphone dorénavant pour la ligne anti-relou. Ce sera mieux, vous allez voir. Allez, merci. Premier, je t'en prie. Premier message maintenant, écoutons ça. Apparemment, je ne sais pas que vous voulez qu'on se voie, mais français, tu me téléphones quand tu as envie. Comme ça, je sais quoi, ou ça encore. On verra. À la prochaine. J'espère qu'on se connaît, on va se voir. Ouais. Ah, à mon avis, il a dû la faire, mais genre vers 7h du mat, ouais, comme maintenant, mais il bourrasse. Oh, dormir, elle est gentille, Julie. Oh, il dormait, non, il était bourré. Hein. Oui, ah bah, je rentre de boîte, hein, je t'appelle. Mais non, il dormait encore. Hein, je voudrais qu'on se voie. Hein, qu'est-ce qu'il a fait comme faute de français, là, encore? Je voudrais qu'on se voie. J'aimerais bien qu'on se voie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, la nuit anti-relou, 0473 86 0013. Rassurez-vous, j'ai encore un autre petit message qui est arrivé sur la ligne anti-relou, écoutez. Hey, c'est qui là au téléphone? Je voudrais savoir c'est qui. J'aimerais bien entendre ta voix quand même. Au téléphone ou tu laisses ton numéro allumé? Oui, bah celui-là par contre il est particulier. Hein, parce qu'il dit j'ai entendu de la voix alors que sur notre répondeur on a fait exprès de ne pas mettre de message. J'aimerais bien entendre ta voix. Ah, j'aimerais. Ah oui, j'avais rien compris. J'aimerais alors bien entendre ta voix quand même. Ça donne envie. Je sais pas qui c'est vrai. Allez hop, extrait suivant. Ouais, salut. Bah tu me rappelles pas. Comme ruiné pour toi. Mais tu me rappelles pas, c'est normal. Hein. Non, mais j'aime bien le mec. Tu ne me rappelles pas. Pourtant, j'étais prêt à mettre le paquet sur toi. Et quel paquet? Ah oui, et quel paquet? Voilà, ligne anti-relou. On réécoutera ça tout à l'heure, bien évidemment. Et donc, je vous donne le numéro qu'il faut impérativement faire tourner. Il faut que ça devienne le numéro le plus connu de Belgique. 0473 86 0013. 0473 86 0013. Vous donnez ça à des mecs quand ils vous draguent. Hein, ils donnent votre numéro. T'as ton numéro de téléphone ou quoi? Hein, fille? Hein, ma belle? Hein, t'es jolie ou quoi? T'as un numéro de téléphone? Donc Julie donnera t'as un son bon numéro. Relou, toi, hein. En fait, Michael. Oui, je sais, mais j'essaye. Hein. Mmh. Très mauvais dragueur, mais très bon relou. Hein. Donc voilà, c'est genre, je fais ça avec Julie. Julie, on bosse ce soir ou quoi? Oui, bien sûr, j'ai un numéro à te donner, pas de problème. Vas-y, t'as vu, elle me donne le numéro. Hey, Gérard! Elle m'a donné son numéro! Pas encore, c'est quoi le numéro? Alors c'est le 0473 86 0013. Elle m'a donné son numéro, j'irai demander, Gérard, c'est génial! Voilà, fais-toi plaisir. Oh, c'est génial! On va danser ou quoi? Jamais! C'est dommage. Bon allez, Shakira maintenant avec Pitbull! Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement, et le principe. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, effectivement. On est là jusqu'à 9h30 ce matin, Mickaël à la radio, pendant tout l'été, en fait. Et un petit message qui est arrivé, Mickaël, Toff et Julie, ça fait du bien de vous réécouter. J'ai fait nuit blanche tellement j'étais impatient de vous entendre. C'est Issam de Liège. Oh, c'est trop mignon. C'est gentil. Ouais. Toi, t'es bien con. Hein. Bon, ça va, c'est pour rire. C'est une petite vanne, une petite boutade. Sean Paul arrive dans un instant avec Alexis Jordan. Et puis la question qui colle, comme tous les matins, 7h50, question qui colle aujourd'hui. Une mère russe a pris un crédit. Mais à votre avis, pourquoi? Eh oui, c'est donc la question qui colle. À votre avis, pourquoi a-t-elle pris un crédit, cette maman russe, justement? Si vous avez une idée, n'hésitez pas, 3044 avec la réponse. On aura des cadeaux pour vous et puis on vous tirera au sort avant 8h, avant de retrouver Julie, encore une fois, avec les infos. Une mère russe a pris un crédit. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait bien pu prendre un crédit? S'acheter une voiture? Une voiture? Je peux vous dire directement que c'est la mauvaise réponse. Non plus. Pourquoi prendrait-elle bien un crédit pour partir en vacances? Pour acheter une maison? Non plus. Ça paraît logique, mais si je vous pose la question qui colle, c'est parce que c'est quelque chose de qui colle, un forcément. Peu improbable. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a acheté de la peinture. Elle aurait pu acheter. Oui, ça colle, mais non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez une idée, 3044, donc une mère russe a pris un crédit. À votre avis, pourquoi? C'est 50 centimes le message et on vous prend à l'antenne dans moins de 10 minutes. Et puis, je voulais vous parler, ce dont je vous avais parlé depuis tout à l'heure, déjà à 6h, hein, pour ceux qui n'étaient pas encore là. On a tous évidemment connu le blues du dimanche soir. C'est un petit conseil pour enrayer la déprime du lundi matin, car, bonne nouvelle, nous sommes le lundi matin, justement. Et donc, le week-end est terminé, ça vous vous êtes rendu compte. Et bien, il existe un autre fléau, c'est la déprime donc du lundi matin. Alors, faut dire aussi que le lundi matin, faut sortir du lit en se disant qu'on repart pour 5 longues journées de travail. Le fameux réveil qui te... Le réveil. Exactement. Moi, ce qui m'est arrivé ce matin, c'était pire, c'est que je me suis réveillé, mais 10 minutes avant le réveil. Et ça, c'est horrible parce que t'as pas envie de te lever. Tu dis, je suis en avance, et tu te dis, je vais pas me rendormir parce que 10 minutes, c'est ridicule, tu vois. Enfin, bon, ça, c'est vraiment le truc horrible. Et donc, pour commencer le réveil, généralement, au moment où il sonne, vous pensez que ça va être froid au niveau du carrelage, les transports en commun vont être blindés, la paperasse qui vous attend au boulot, bref, ça va être relou. Et bah, comme tous les lundis, vous avez prévu une petite activité agréable. Ça, c'est pour sortir des problèmes, justement. Il faut prévoir une activité agréable après le boulot, prévoir une soirée entre amis le lundi soir, un dîner romantique, c'est pas Julie? Et moi c'est impossible le lundi soir, je rentre et je m'écroule quoi. Voilà, c'est ça, donc non, sortez pas avec vrai. Julie. Hein, c'est pas vrai, on sait bien que tu vois ta copine ce soir. Oui, d'ailleurs je fais un bisou à mon amoureux qui est un homme. Mais... Oui, c'est parce que c'est lui c'est elle l'homme de la maison, voilà, c'est elle qui porte la ceinture, voilà. Le bleu de ceinture. Voilà, petit dîner romantique, cinéma, donc bref, peu importe, il faut que ce soit agréable et du coup, en vous levant, vous allez vous dire que le soir ce sera bien puisque ça va être un bon délire. Le soir, ça passera plus facilement. Si ça passe pas, il y a deuxième chose, c'est de prendre un bon petit déj. Le but, se faire plaisir évidemment, et tant pis pour les calories. Se priver le lundi matin, ça veut dire que la journée sera pourrie et la semaine également d'ailleurs. Donc autant y aller, ne pas lésiner sur le Nutella, mettez la bonne dose. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin des vacances, je lui aurai pris 30 kilos. Mettez la bonne dose. Mes pains au chocolat, Tof. Ils arrivent. Je tiens à dire que j'ai essayé d'aller acheter des pains au chocolat ce matin et je me suis dit, on va faire un petit déj. Mais à 4h30, c'est fermé. Sans cucumber. Il n'y avait personne. Et en fait, alors en plus, je suis descendu parce qu'il y a une boulangerie juste en bas de chez mes parents. Et je me suis dit, mais comme ils font le pain là, le mec il va être réveillé. Ouais, il était réveillé, je le voyais au fond, mais il m'a pas ouvert. Mais il a pas ouvert, voilà. Bon, et puis pour finir, en arrivant au travail, prenez 5 minutes pour revoir une petite vidéo qui vous a fait marrer, un petit SMS qui vous a fait plaisir, ou collez-vous un petit post-it avec des phrases d'encouragement. D'ailleurs, Julie a trouvé une solution. Maintenant, elle vient au travail. En fait, elle a pas de post-it ou les trucs qui la font marrer, c'est simplement nous qui la faisons rire. La tête de Tof au réveil. Mais voilà, exactement, ça fait rire, exactement. Voilà. C'est bon, pour ça que je préfère les femmes. Et donc, si rien de tout ça n'a fonctionné, je sais pas, mettez-vous une balle, arrêtez de travailler, prenez un crédit, je sais pas. Bon, voilà. Bon, dans moins de 3 minutes, Tof va rappeler une clinique pour avoir un petit certificat pour rester en vacances. C'est un autre bon moyen aussi d'éviter les lundis au travail. Et puis, on va aussi, dans quelques instants, donner la réponse à la question qui colle, que je vous rappelle. Une mère russe a pris un crédit. À votre avis, pourquoi? Si vous avez la bonne réponse, 3044, vous envoyez cette réponse par SMS, c'est 50 centimes le message. Et en attendant, c'est Sean Paul qu'on écoute maintenant avec Alexis Jordan, c'est Got to Love You. Il est 7h54. Bonjour et bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. 7h57 sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil tout le monde. Et nous avons donc la réponse maintenant à cette question qui colle. Une mère russe a pris un crédit. À votre avis, pourquoi? Et nous avons avec nous maintenant Julie. Johanna, c'est ça. Bon, on a Julie aussi, hein, n'est-ce pas Julie? Oui, je suis là aussi. Ah bah voilà. Salut Johanna, 25 ans, comment ça va? Oui, ça va bien, et vous? Eh ben écoute, on va plutôt bien aussi. T'es dans quelle ville, Johanna? Charleroi, très bien. Ça va bien ce matin, Charleroi, 7h58? Oui, ça va très bien. Bon, tu vas travailler là? Oui, je suis en stage pour l'instant, donc voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, amuse-toi bien alors. Hein. Johanna, attention, tu as la réponse à la question qui colle. Donc, une mère russe a pris un crédit, et donc, à ton avis, pourquoi? Pour faire tuer quelqu'un. Non, pour faire tuer quelqu'un, mais pire, pour faire tuer son fils. C'est horrible. Eh oui, la Moscovite, donc 47 ans, elle avait quand même la dame. Hein. Donc en mauvais terme avec son fils de 21 ans. Donc elle voulait l'éliminer car il ne lui avait pas remboursé l'ordinateur qu'elle lui avait acheté. T'imagines un peu il faut quand même avoir un problème. Ah ouais, mais il faut avoir un problème dans ta tête quand même, sans déconner quoi. C'est méthode russe. Ouais, méthode russe, ouais, bah ouais, ouais, méthode russe. Fils pas gentil, fils disparaît. Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Bon bref, donc voilà, bah, en tout cas, ça te fait toi gagner des cadeaux. Bravo à toi, Johanna. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te fais des gros bisous, Johanna, et tu reviens quand tu veux sur Fun. D'accord, pas de problème. Salut à toi, à bientôt, bye bye. Merci, ouais, on avait aussi des réponses qui est arrivée hein, donc en disant pourquoi est-ce qu'il avait fait un crédit pour refaire son corps, pour s'acheter un gomme Michet. Oui, voilà, c'est pas mal aussi. Il y avait des pampers aussi que j'ai bien aimé. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ah. Ouais. Il y avait pour tuer son fils, c'était bon. Elle prend un crédit pour commander le meurtre de son fils. Ouais, et en fait, elle s'est fait avoir, faut que je le dise tout aussi, parce que le mec qui devait tuer son fils, donc pour 12 430 euros, ouais. En fait, finalement, il a eu bonne conscience. Il était voir les flics en disant écoutez, la bonne femme, elle m'a donné 12 000 euros pour que j'aille tuer son fils. Donc les flics ont été la coffrée quoi. On sait même plus faire confiance aux gens qu'on engage. T'as vu un peu, hein. C'est quand même exceptionnel. Hein. C'est incroyable quand même. Il n'y a plus de tueurs dignes de ce nom. Il n'y a pas de scandaleux. Il n'y a pas de secret professionnel dans les tueurs à gages. Mais oui, c'est ça. C'est normalement. Il devrait. Hein. D'ailleurs, je recommande un très bon film belge et je le dis souvent de Zach Alzheimer. Regardez, c'est un très bon film. Déjà le titre à la pote. C'est un film flamand, donc c'est en flamand, donc il faut déjà se donner du courage. Mais c'est belge et c'est vachement bon. Il faut se donner du courage alors. Mais c'est un bon polar. Ne bougez pas, dans un instant on va revenir avec la ligne anti-relou, évidemment, avec les factures, on va vous les payer aussi. 63-22 débuté par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On vous appelle d'ici quelques instants, c'est 1€ par message. 63-22 débuté par facture, et dans moins d'une minute ce seront les infos qui arriveront. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et c'est dans un instant que je vais payer vos factures, donc ne bougez pas de là. Et comme je vous le disais juste avant la pub, inscrivez-vous donc 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis on fera un petit tirage au sort dans quelques instants. Juste le temps de se faire péter les infos, c'est juste après ça. Il est 8h01, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. En Argentine, deux hommes arrêtés ont avoué le meurtre des deux touristes françaises, selon un journal local. Ricardo Vera, 37 ans, et Dario Ramos, 47 ans, auraient avoué avoir tenté de violer Uria et Cassandre, mais que celle-ci avait résisté. Les deux hommes disent les avoir alors frappés, mais accusent un autre homme, arrêté mardi dernier, d'avoir tiré les coups de feu mortels. Toujours à l'étranger, en Angleterre, de nouveaux incidents ont lieu la nuit dernière dans plusieurs quartiers de Londres. Trois policiers ont été hospitalisés après avoir été percutés par un véhicule. Tous mobilisés contre le crash boursier, le mot est fort, mais depuis l'abaissement de la note de la dette américaine, toutes les bourses du monde baissent sérieusement. Ce n'est pas encore la dégringolade totale, mais le spectre d'un nouveau crash boursier inquiète. Le G7 se dit déjà prêt à contrer les mouvements excessifs de change. Justement, le Premier ministre Yves Le Terme appelle les parlementaires à écourter leurs vacances. La raison, la crise de l'euro, il faut absolument boucler le budget 2012 et approuver rapidement les décisions européennes du 21 juillet dernier pour mettre un terme à la crise. Le formateur Elio Di Rupo se dit prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement en affaires courantes. En tout cas, la reprise des négociations politiques, le formateur a précisé qu'elle reprendrait dès le 15 août. Retour sur cet important incendie hier dans une boulangerie industrielle à Molenbeek. Le feu s'était déclaré en début de soirée. L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée noire, visible depuis une bonne partie de la capitale. L'incendie serait d'origine accidentelle et n'a heureusement pas fait de victimes. L'événement a par contre donné lieu à quelques violences entre jeunes et policiers qui tentaient de mettre un périmètre de sécurité autour de l'édifice en flammes. Les campagnes Bob en été sont apparemment indispensables selon les derniers chiffres. Sur plus de 100 000 automobilistes contrôlés à l'alcotest ces dernières semaines, 5 500 étaient positifs, ce qui équivaut donc à 5%, alors qu'en hiver, les contrôles de fin d'année, un peu plus de 3%, roulent sous l'influence de l'alcool. Et puis enfin, rapidement en sport, le Standard s'est imposé fièrement à Lokeren 3-1. Westerlo et Courtrai se sont séparés sur un nul 1 partout et Saint-Tron FC Bruges ont assuré le spectacle en cliquant sur 3 partout. Très bien, on va faire péter la météo maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la météo? Alors, pas terrible, c'est un lundi sous la pluie qui nous attend avec des températures en baisse, 13 à 18 degrés et pas mieux pour demain, pluie toujours au programme. Quelle bonne nouvelle. Oh, ça se sent qu'on est, qu'on est le 8 août. C'est l'info à plus qui va débarquer d'ici quelques instants. Ne bougez pas de là. Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement, il a faux en plus maintenant, Julie. Voilà, qui de faire plaisir aux fans de Facebook, les Sims vont débarquer sur le fameux réseau social. Ce n'est un secret pour personne, le jeu social sur Facebook est un phénomène de masse. On connaît déjà Farmville. Eh bien, il faudra désormais, pardon. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Julie? Je m'étrangle, alors, j'ai un petit peu du mal. Tu as un chat dans la gorge. Aussi, hein, ouais, c'est vrai que ça, oui. Donc voilà, faites place à Sims social sur Facebook, créez votre maison, faites-vous des amis et voire plus si affinités avec tous vos amis de Facebook. La page dédiée facebook.com/simsocial réunit déjà plus d'un million de fans, alors que la sortie du jeu est attendue pour l'été sans autre précision. Très bien, voilà, donc c'était la petite info en plus. Dans quelques instants, ne bougez pas de là, nous allons payer vos factures pour vous inscrire 6322. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture qu'on devrait vous payer, en fait, tout simplement. Donc si vous avez ça, vous envoyez tout le tout évidemment au 6322. Débutez le message par facture. Il y aura la ligne anti-relou. On appellera encore avec Tof des cliniques pour que Tof puisse avoir une petite journée supplémentaire. Semaine de congé. Oui, semaine de congé, exactement. Oui, et, au niveau, et au niveau du son, maintenant c'est parti dans le morning à 8h06. C'est LMFAO qu'on va écouter maintenant. LMFAO avec Lauren Bennett et Goon Rock. C'est Party Rock Anthem sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil tout le monde. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous débarquez, il est 8h10. Il y a Julie qui est avec nous, il y a Tof également qui est là. Julie, oui, qui... on est là. Oui, voilà, c'est ça. Julie qui est en stress parce qu'elle a arrêté de fumer depuis la semaine dernière. Voilà, c'est ça, je n'ai plus d'ongles, j'ai tout bougé. Voilà, non mais ça va bien, elle a l'air d'être plutôt calme encore. Ben oui, je vis très bien. Ah, ça va bien ou quoi là? Elle a déjà failli casser le micro deux fois, mais sinon tout va bien. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes en fait ce matin. C'est moi qui suis cassé en arrivant. Voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'elle ronge les câbles pendant l'émission. Exactement, oui, t'es là, hamster. Bon, en tout cas, on la suit, on vous tiendra au courant, bien évidemment, si elle flanche ou si elle ne flanche pas. On lui met un petit peu la pression, mais ça devrait bien se passer. Mais soutenez-moi plutôt, soutenez-moi. Pour l'instant. Elle a le sourire. Ben oui, tout va bien. Ben pour l'instant. On verra de la semaine prochaine. Bon, ouais. Quelqu'un d'autre qui va avoir le sourire dans quelques instants, c'est celui ou celle que nous allons appeler pour payer les factures, car on fait ça tous les matins à 6h, 7h, 8h et 9h10. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Oui, et bon. Dans le délire, en fait, c'est moi qui paye les factures avec le chéquier de Fun. Voilà, en gros, c'est ça. Ça donc, fait plaisir. On appelle quelqu'un qui s'inscrit au 6322 en débutant le message par facture. Allô. Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Sophia. Sophia, bonjour Sophia, c'est Mickaël. T'es en direct à la radio sur Fun Radio et nous allons tenter de payer ta facture. Facture que. Oui, bah écoute, ne t'enflamme pas trop vite, d'accord? Attends un petit peu. Hein. Facture que tu nous as envoyée au 6322 en débutant le message par facture, justement. Et donc, ce qui m'a perturbé tout à l'heure, c'est qu'il était marqué facture 89 € poubelle. Voilà, on n'a pas très bien compris. Alors qu'est-ce que c'est 89 € poubelle? Ben c'est ces foutues taxes de poubelle qu'on va payer à l'État. Oh, qui sont vilains quand même. Mais c'est énorme 89 €. 89 € c'est cher quand même. Oui. 89 €, c'est bien bien cher. Hein. Ouais, mais Sophia, c'est une grosse crado, elle a beaucoup de poubelles. Non, mais attends, t'es dans quelle commune, Sophia? Ouais, t'es dans quelle commune? Anderlecht. Ah, Anderlecht. Mais c'est cher la poubelle à Anderlecht. Hein. C'est-à-dire que. Ouais. Alors, c'est un conseil, c'est pas bien, mais franchement, prenez vos poubelles et les foutez à la pompe essence. Hein. Non, ça c'est mal. C'est non, très mais 89 €, arrête, il y en a plein. Tu sais, chez mes parents, il y a une espèce de petite forêt. En fait, les gens, ils jettent leurs poubelles. Non, ça c'est mal. Non, mais quand je dis la pompe essence, c'est dans la poubelle de la pompe essence, pas partout par terre. Ah oui, non, mais je suis pas dégueulasse non plus. Mais 89 € quand même. Bon, eh ben écoute, ouais. Sophia, on va te filer tes 89 € alors. Oui, cool, super. Bah, je t'en prie, y'a pas de problème. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Merci. Salut, ciao à toi, salut, bye bye. Ciao. Allez, on va enchaîner maintenant avec d'autres factures tout à l'heure à payer. Hein, si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par facture avec l'objet de la facture et le montant de la facture. Surtout, mettez bien tout ça parce qu'il y en a plein qui envoient juste facture, donc on sait pas ce que c'est, donc forcément, on tire pas au sort. Hein, comme ça, vous savez. 6322, débutez par facture. On va s'écouter le son des PZK maintenant sur Fun Radio avec Doc Soso, chanson qui a été faite uniquement pour moi, pour ma belle tête, n'est-ce pas Julie? Alors, oui, j'attendais évidemment qu'elle me dise oui, c'est vrai, tu as raison, mais non. Elle, non, elle non, ne comprend rien à la beauté, ouais, masculine, tu mais sais ça doit bien être quand ça même. En tout cas, à votre beauté, je ne comprends rien, ouais, ça c'est sûr. Ça, ouais. Allez, PZK et Doc Soso maintenant, si je suis beau sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, on est là tous les matins sur Fun Radio, 8h15, bonjour et bon réveil tout le monde. Dites-nous si vous avez prévu un truc ce matin là, si vous vous levez du lit seulement maintenant, hein, il va falloir enlever les espèces de petites crottes hein, les crottes qu'on a dans les yeux là, ouais, les trucs dégueulasses. Faut les enlever là, c'est dégueulasse, ça se fait pas. Vous ouvrez les yeux, on est devant vous là, quand même. Bah, moi je sais pas ce que c'est, ces histoires de crottes de yeux. D'ailleurs, t'as une petite là. Ouais, je sais, dans le coin, mais là. En fait, moi c'est parce que je pèle ça. Ah oui, c'est un autre problème, effectivement. Ouais, c'est ma lèpre. Ouais, c'est vrai. Bon, 8h16 maintenant, il est temps de retrouver notre voyant Doudou qui est ah là non, maintenant. Non, je peux pas te laisser dire ça, moi je suis mawabou, je suis pas voyant, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est quoi la différence? Bah, c'est simple, les voyants, ils disent que ça va mal, mais ils peuvent rien faire. Moi, ouais. Je te dis que ça va mal et je te fais croire qu'il faut égorger une poule un soir de pleine lune pour que ça aille mieux. Hein? Vous voulez que je désenvoûte le studio? Non, ça va aller, Doudou. On va faire l'horoscope, ça suffira. On va commencer par les béliers d'ailleurs. C'est dommage, on ouais, bah fait des trucs sympas. C'est vrai. Alors, les béliers, mais c'est une journée de travail très active. Eh oui, fini le week-end. Eh oui, c'est dommage, c'était moi ça. Taureau maintenant. Alors mec, il va protéger toutes vos activités. Alors si tu veux faire des conneries, profites-en, c'est aujourd'hui. Très bien, les Gémeaux. Alors votre tenue, s'il est très fragile, il faut économiser au maximum l'énergie. Hein, hein, ça ne sera pas la première fois que vous glandez au travail, profitez-en. Bon, les cancers maintenant. C'est une journée laborieuse, emplie d'obstacles. Alors faites attention à ce que cela ne se traduise pas comme d'habitude par la mauvaise humeur. Et les Lions. Alors n'ayez pas peur de prendre des initiatives ou de mettre vos idées originales en pratique. Vous aurez des bonnes retombées. Les Vierges, Dodo. Au travail, vous surmontez les difficultés, les obstacles et ça ne passera pas inaperçu. Les Balances. C'est la journée excellente pour effectuer des démarches. Alors mettez tous vos atouts en avant et surtout postulez pour un nouveau travail. Les Scorpions. Vos rapports avec votre entourage professionnel seront placés sous les signes de la détente. Et ça, c'est mieux le lundi. C'est une bonne nouvelle. Les Sagittaires maintenant, Doudou. Les temps jouent en votre faveur. Alors profitez-en pour faire le point et surtout vous organiser au mieux. On continue avec les Capricornes. Alors si vous avez un projet audacieux, méfiez-vous, c'est pas le jour. Prenez du recul parce que le ciel, il est pas avec vous. D'accord, les Verseaux. Rien ne viendra troubler votre activité aujourd'hui. Hein, mais pas de décision d'agent. Non, non, non, pas d'agent, pas d'agent. Achat, pas de vente, pas d'investissement, la bouche, elle dégringole. Bon, et les poissons alors, pour terminer. Alors, pour les poissons, eh bien, ne restez pas dans votre coin. Hein. Si vous avez un besoin très urgent de contact, appelez-moi. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est terminé pour maintenant. Dans une heure, Doudou, et hors de question de venir avec un poulet. Hein. Ah, vous êtes sûr? Ah, oui, oui, je suis certain. Ouais. Ah, non, pas de poulet, Doudou. L'horoscope revient dans une heure. On appellera aussi dans quelques instants d'autres cliniques pour avoir une semaine de congé. I just wanna make you sweat. Snoop Dogg à l'instant sur Fun Radio à 8h22. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec les factures. Dans un instant, on va encore les payer encore une fois avant de partir aujourd'hui. Pour vous inscrire pour les factures, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On tirera encore quelqu'un au sort tout à l'heure. Et puis nous allons maintenant rappeler Toff quelques cliniques afin de prendre des congés. Hein. Bah ouais, attends, moi je veux retourner en vacances, Laissez-moi rentrer. Bon, tout à l'heure, on a appelé une clinique à Verviers pour voir si un médecin pouvait te faire un certificat pour que tu ne retournes pas travailler. On peut dire que ça a été un échec cuisant. Ouais, mais c'était le début de l'émission. Là, je suis chaud, là, je suis bon. Bon, on va voir ça. On va appeler où cette fois alors? Écoute, je propose une petite clinique à Binche. Je suis sûr, ils sont cool à Binche. D'accord. Avec les Gilles, tout ça. Enfin, écoute, on va essayer. Alors, c'est parti. On appelle clinique à Binche pour essayer d'avoir un certificat médical gratuit. Déjà, ça sonne. Qui veut du Binche en instant? On dirait qui veut du pain à l'instant. Exactement. Je vous écoute, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle. J'aurais souhaité un rendez-vous avec un docteur, s'il vous plaît. Oui, mais un médecin en quoi? En ce que vous avez. Ah non. C'est pas si. C'est un traitant, hein. Ici, c'est tous les spécialistes. Oui, oui, j'ai bien compris. Vous avez mal où? Je sais pas, j'ai mal aux oreilles. Vous avez mal aux oreilles? Bah, alors, oui. C'est un ORL. Eh ben voilà. Un ORL, je n'ai pas de place avant le mois de septembre, octobre. Ah, voilà. Oui. Si j'ai mal aux pieds? Un orthopédiste. Oui. Vous avez des places plutôt? Vous inventez des histoires ou quoi? Non, je sais pas. Vous me dites que vous avez mal aux oreilles, maintenant vous dites que vous avez mal aux pieds. Mais non, mais c'est parce que, en fait, je vous comprenez, je recommence le travail aujourd'hui. Et bon, j'aurais voulu un certificat pour prolonger d'une semaine, quoi, les vacances. Mais c'est une plaisanterie. Ah non, madame. Bah, écoutez, monsieur, les canulars, ça suffit. Voilà, ça c'est fait, hein. Non, hein, attends, on la rappelle. Ouais, mais pourquoi faire? Elle t'a raccroché au nez. Mais non, elle s'est trompée, elle voulait pas raccrocher, elle s'est trompée, elle a fait une erreur. Moi, ouais, je suis sûr qu'il faut la rappeler, tu vas voir, ça va bien se passer. On la rappelle? Allez, bah, écoute, vas-y. On y va, ouais. il y croit. Allez, on rappelle, c'est parti. Tu veux les Binches, bonjour. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, j'étais en communication pour prendre un rendez-vous et ça a coupé. C'est pourquoi, monsieur? Bah, en fait, je voulais prendre rendez-vous avec un docteur et en fait, vous m'avez. Quel médecin? Je demandais pour les pieds, quand est-ce que vous avez des... Bon, alors, pour un orthopédiste, eh bien, le 17 du 8... Ah oui, vous n'avez rien avant? Non. Ah oui, oui. Et peut-être pour un gastro, vous auriez peut-être une disponibilité plus tôt. Eh bien, un gastro, le 18. Ah oui, c'est... Ah, ça, c'est mieux, ça. À 9h20. À 9h20. Bah, ce serait... Voilà, votre date de naissance. Ah, alors, le 3 octobre 1980. Et votre nom ? Toff. Pardon ? Monsieur Toff. Ah ben voilà, c'est noté. D'accord. Et vous pensez que ce sera possible pour le certificat médical ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne suis pas assistante sociale. Hein. Faut arrêter maintenant. Hein. Voilà. Donc je... Non, mais si vous n'avez que ça à faire, hein. Bon, allez. Au revoir, monsieur. Merci, madame. Je vous remercie pour le rendez-vous. Ah, tu vois, mon rendez-vous. Je retourne en vacances. Ouais, enfin, t'emballe pas non plus. Elle n'avait pas l'air ouverte. Je pense qu'elle a noté le rendez-vous dans le vent. À mon avis, ouais. Elle a fait semblant. Ouais, je pense qu'elle a noté le rendez-vous, mais vraiment dans le vent. Ouais. Bon, allez, on rappellera c'est tout pas à l'heure. Cool hein. Avec moi. Bon, on les serra dans une autre ville. Là. Si vous connaissez des médecins un peu drôles dans différentes villes, n'hésitez pas à donner les numéros de téléphone, hein, donc pas les urgences évidemment des médecins, au 3044, voilà, 50 centimes par message. Et nous avons la blague du jour maintenant, attention, la blague du jour pour s'y coller, nous avons qui pour la blague du jour? Alex, 21 ans de Charleroi. Salut Alex, 21 ans de Charleroi, comment ça va mec? Salut, toi tu vas faire partie de la vie anti-relou toi. On se calme. Salut Alex, tu es là? Salut, oui, ah, voilà, parfait, impeccable. Maintenant on t'entend bien, c'est magnifique. Bon, alors Alex, tu avais donc la blague du jour. Attention, la pression est forte puisque c'est la première blague du jour. Il va falloir qu'on se marre. On compte sur toi Alex. On compte sur toi parce que c'est lundi. Lundi en général on est déprimé. Julie a arrêté de fumer, au bord du suicide. C'est ça. Donc... Je suis au bord de tout là moi. Voilà, donc voilà. Faut se marrer, hein, d'accord. Est-ce que tu as bien senti la pression qu'on t'a mis? Voilà, hein, tu l'as bien senti la pression là? Ah oui, il la sent bien. Il est parti en courant. Bon, normal. Alex, la blague du jour, on t'écoute. Ah non, il est pas parti quand même, c'est une vanne, on l'a perdu. Tu l'as mis la pression. Oh non, c'est pas non. Alex bah oui. Bon, Julie, improvise une blague. J'ai toujours été sûre que ça allait tomber sur moi. J'ai aucune blague. Allez, improvise une blague. Qu'est-ce que tu veux que j'improvise comme blague? Je sais pas, moi, écoute, pourquoi une blonde prend la pilule? Je sais pas. Pour savoir quel jour on est. Eh bah, c'est ma faute. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. J'essaie de faire ce que je peux. Il est 8h30, tous les matins, on est là sur Fun Radio pendant l'été. Mickaël à la radio avec la ligne anti-relou qui va débarquer d'ici quelques instants. Je vous rappelle le numéro de la ligne, 0473 86 0013. Si vous voulez donner le numéro du répondeur à un mec relou qui serait peut-être en train de vous draguer dans la rue, en boîte, dans un bar, chez des copains, chez des copines, bref, votre numéro de la ligne anti-relou est donc celui-ci, 0473 86 0013. On fera un tour du côté de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure. On fera encore un tour du côté des factures. Et puis plus proche de nous maintenant, c'est l'heure de faire un autre tour, mais cette fois-ci du côté des infos, puisqu'il est 8h30. Les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. En Argentine, deux hommes arrêtés ont avoué le meurtre des deux touristes françaises. Selon un journal local, Ricardo Vera, 37 ans, et Dario Ramos, 47 ans, auraient avoué avoir tenté de voler Uria et Cassandre, mais que celle-ci avait résisté. Les deux hommes disent l'avoir alors frappé et violé, mais accusent un autre homme, arrêté mardi dernier, d'avoir tiré les coups de feu mortels. Toujours à l'étranger, en Angleterre, de nouveaux incidents ont eu lieu la nuit dernière dans plusieurs quartiers de Londres. Trois policiers ont été hospitalisés après avoir été percutés par un véhicule. Tous mobilisés contre le crash boursier, le mot est fort, mais depuis l'abaissement de la note de la dette américaine, toutes les bourses du monde baissent sérieusement aujourd'hui. Ce n'est pas encore la dégringolade totale, mais le spectre d'un nouveau crash boursier inquiète. Le G7 se dit déjà prêt à contrer les mouvements excessifs de change. Justement, le Premier ministre Yves Le Terme appelle les parlementaires à écourter leurs vacances. La raison, la crise de l'euro. Il faut absolument boucler le budget 2012 et approuver rapidement les décisions européennes du 21 juillet dernier pour mettre un terme à la crise. Le formateur Elio Di Rupo se dit prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement en affaires courantes. En tout cas, la reprise des négociations politiques, le formateur a précisé qu'elle reprendrait le 15 août. C'est pas facile ce matin. Hein. Non, c'est un lundi comme tout le oui, monde. Bah oui. Les campagnes Bob en été sont apparemment indispensables vu les derniers chiffres sur plus de 100 000 automobilistes contrôlés à l'alcotest ces deux derniers mois. 5 500 étaient positifs, ce qui équivaut donc à 5%. Alors qu'en hiver, les contrôles de fin d'année, un peu plus de 3% roulent sous l'influence de l'alcool. Et puis autre info, les Wallons boivent apparemment plus que les Flamands. Et puis enfin en sport, week-end chargé en football, le Standard s'est imposé fièrement face à l'Auxerrois 3-1. Westerlo et Courtrai se sont séparés sur sur un 0 partout. Et Saint-Tron et FC Bruges ont assuré le spectacle en se quittant sur un 3 partout. Et il est 8h32, on va faire un tour du côté de la météo maintenant. Pas terrible pour aujourd'hui, c'est un lundi sous la pluie qui nous attend avec des températures en baisse, 13 à 18 degrés. Cet après-midi, on pourra même s'attendre à un risque d'orage. Demain, les éclaircies seront rares et les températures toujours aussi fraîches. Fun Radio. Fun Radio. Allez, l'info en plus. C'est pour les accros de Facebook, les Sims devraient débarquer sur le fameux réseau social. On connaît déjà Farmville, eh bien il faudra désormais faire place à Sims Social. Il top est déjà dessus d'ailleurs sur Farmville et il est à fond sur Farmville. C'est ce qu'il me dit dans l'antenne. Non, Farmville, ouais. Je il attend pas. Qu'on l'invite de plus mais en voilà, plus. Ça, ouais. ça va aller. Donc Odette, n'hésite pas à l'inviter. Hein. Je salue Odette, oui, qui m'a invité à Farmville. Donc voilà, pour Odette et pour les autres, de Sims Social permettra aux joueurs de créer leur Sim, évidemment, de construire la maison de leur rêve, de se faire des amis, voire plus si affinité, ça c'est pour Toff. Et donc voilà. Il y a Aurélie aussi qui m'a invité à Farmville. Ah ben voilà, mais écoute, pour Aurélie aussi. Alors la page dédiée facebook.com/simsocial réunit déjà plus d'un million de fans, alors que la sortie du jeu est attendue pour l'été, mais sans autre précision. Très bien. Bon, ben l'autre info du jour, ça arrivera tout à l'heure évidemment. Dans un instant, on paiera vos factures, on aura la ligne anti-relou qui va débarquer, les perles également de Secret Story 5. Et à ce niveau-là, on a du lourd. Hein. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, rassurez-vous, il y a le repêchage maintenant. On fait ça après le son, l'excellentissime son de Rihanna maintenant. C'est Man Down sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, 8h34, bonjour et bon réveil. Le son de Rihanna à l'instant sur Fun Radio avec Man Down. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Mais oui, on est là, 8h38, bon réveil tout le monde, si vous débarquez, soyez les bienvenus évidemment, on est là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle vous retrouverez évidemment le self de l'été avec Lucas, vous choisirez vos disques et vous pouvez d'ailleurs le faire dès maintenant si vous le souhaitez, 3044 par SMS. On paiera vos factures, on aura la ligne anti-relou, ça arrive dans moins de 10 minutes, donc restez bien là et puis nous allons maintenant parler de l'émission de l'été, l'étoffe des champions. Merde, merde, merde, merde, encore. Merde, merde, merde. Ouais, la grande émission de France 3 avec Raymond Domenech. Hein. Si vous n'avez pas entendu parler de cette émission, bah c'est normal. Hein. C'est comme pour l'équipe de France. Raymond a pris un gros chèque pour ne pas faire d'audience et du coup, bah il gueule. Hein. Merde, ouais. Merde, ah, c'est merde, dur. Hein. Merde, merde, merde. Ouais, voilà. Bon, le patron de France 3 a dit que c'était pas de sa faute. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est jamais de sa faute. L'émission, je pense qu'il a quand même une part de responsabilité. C'est jamais de sa faute. Non, en fait, je voulais parler de Secret Story 5. Qui regarde Secret Story 5 Moi, j'ai un petit peu regardé pendant les vacances. Oui, pendant les vacances, parce que Julie a des vacances de ouf, donc elle regarde Secret Story 5. Mais écoute, j'ai pas le temps pendant l'année. Je travaille contrairement à d'autres. Ah, alors voilà, moi, je rentre de la plage et hop, un petit Secret Story. De la plage en Bretagne. Justement, c'est parce que comme elle y revient vite. Elle a même le temps de regarder mon bronzage. Quoi. Je suis toute brune, bien plus que toi d'ailleurs, Toff, qui est partie en Turquie, je pense. C'est vrai, il y a 6 mois maintenant. Moi, je suis pas dans le solaire en même temps. Ouais, bien c'est sûr, vrai, bah c'est vrai. Oui. Allez, facile, facile. Bon, donc vous savez qui est Morgan, donc qui est sorti vendredi, j'imagine. Mais oui. Oui. Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. Et ouais, je suis Pam Pam Bam. Et ouais, on sait Morgan là, mais c'est fini là. Maintenant, tu as été éliminé. Hein, voilà. Et est-ce que vous avez compris le principe du jeu? Bien sûr, c'est le plus possible, tu dois trahir les gens qui sont avec toi. Les manipuler. Ouais. Non, en fait, vous avez rien compris. Juliette va vous expliquer, écoutez. On est là pour modifier les codes, pour se donner à fond et pour essayer de repousser les limites de notre cerveau tous les jours. Ouais, mais alors le problème, évidemment, c'est que la limite a relativement vite été atteinte. Hein. Marie, déjà qui souhaite une mini en premier. Donc, ça veut dire quoi, en fait, en premier? Voilà. Je pense que c'était le top du top, hein. Je vais vous le remettre. Énorme. Elle est énorme. Voilà. Marie. Marie, qui souhaite une mini en premier. Donc ça veut dire quoi en fait en premier? Non mais ça c'est quand même exceptionnel quand même. Ça veut dire quoi en premier? La meuf elle a jamais été à l'école de sa vie. C'est un truc de dingue. Mais je pense que ça doit être un critère de sélection. Hein. Probablement. Ouais, je pense, c'est l'année où t'as arrêté tes études. Peut-être aussi, peut-être. Et puis dans le genre on a aussi Aurélie, notre chère compatriote. Et là je gueule encore une fois parce que pourquoi quand on a des Belges dans des émissions de télé-réalité française, c'est toujours des Mongoliens? À chaque fois. Mais c'est dingue. Parce que c'est un critère de sélection. Bah oui, non mais je sais. Ouais, bon. C'est-à-dire qu'il faut être gogol et pas avoir fait des... Ouais, mais bon, c'est souvent lié. Ouais. Et Aurélie, donc notre compatriote, hein, qui a donc bien compris le principe de la contradiction. Attends, laisse-moi parler parce que là je commence à m'énerver. Elle allait pouvoir me dire à moi, ouais mais ce que tu me fais, c'est pas bien, c'est mauvais. Je me demande bien pour qui tu te prends. Alors si t'as quelque chose à dire, tu parles. Voilà, si t'as quelque chose à dire. dire tu parles mais ferme ta gueule, tu vois, c'est à dire qu'il y a un moment hein, y a, ouais elle fait un peu peur hein, effectivement. En plus j'ai vu cet extrait là et c'était une furie quoi. La fille mais, attends cette meuf elle passe son temps à gueuler. En fait t'as Aurélie qui gueule et Marie qui pleure. C'est un peu ça le concept de l'émission. C'est un peu ça. Mais bon quoi qu'il arrive, tais-toi, mais si t'as un truc à dire dis-le. Voilà. Mais tais-toi. Voilà. Mais dis-le. Et je voulais juste me remettre quand même celui-là, celui de Marie. Il me fait tellement plaisir, Marie, écoutez. Marie, qui souhaites-tu nominer en premier? Donc ça veut dire quoi en fait en premier? Voilà, en toute simplicité, on arrêtera là donc. C'est nickel à la radio sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et oui, tout à fait, on fait ce qu'on peut. Mickaël à la radio, c'est tous les matins et on fait un tour du côté du trafic maintenant. Julie, qu'est-ce qui se passe sur les routes? Bien, soyez prudents parce qu'il y a un accident sur le 25 Liège-Bastogne. Non, c'est trop tard, il a déjà eu lieu l'accident. Ça sert à rien d'être prudent. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc, c'est à hauteur de Tilf, donc la sortie numéro 42. Il y a la présence d'hydrocarbures sur la chaussée. Voilà pourquoi il faut être prudent, Tof. D'accord. Et puis, je vous rappelle c'est cet accident. C'est beaucoup d'hydrocarbures. Merci. Oh, Elivan, je suis pas sûr que j'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû continuer. Et pas le laisser parler. C'était mieux. Bon, mais voilà. Maintenant, je continue. Accident sur la N676 à hauteur de Ambièvre en direction. Et ce, dans les deux sens. La chaussée est fermée. Sous kilomètre 7. Attention, un camion est sur le flanc. Tu as quelque chose à dire? Non. Non, tu vois, me lance pas. Tu vois, j'avais déjà fait deux vannes sur le camion sur le flanc. Désolé. Voilà, c'est tout pour le moment. Très bien. Et donc, il est toujours sur le flanc, là, par contre. Hein. Il est apparemment toujours sur le flanc. D'accord. Ok. Bon, si vous voyez quelque chose, d'ailleurs, au niveau du trafic, des bouchons, des accidents, quelque chose, n'importe quoi, des pannes, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 3044 pour nous dire un petit peu ce qui se passe chez vous. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. Et oui, faites passer ce numéro justement, puisque c'est le numéro de la ligne anti-relou, les boulets donc que nous allons écouter maintenant. Le principe est simple, vous donnez ce numéro, donc le 0473 86 0013 à un relou que vous rencontrez en bar, en discothèque. Et il y en a un, les roues courent les rues. Ah oui, il y en a plein, déjà on en a un en studio, je ne viserai personne. Moi non plus, je ne me suis pas senti visé. Bah tant mieux. Et donc écoutez les messages que vous nous avez donnés finalement, hein, les relous que vous nous avez donnés au 0473 386 0013. Écoutons le premier. Apparemment, je sais pas que vous voulez qu'on se voie, mais tu me téléphones quand tu as envie. Comme ça, je sais quoi. Je sais pas. On verra. C'est quand même très dur. Hein. À la prochaine. J'espère qu'on se connaît. On va se voir. J'espère qu'on se enfin qu'on va se voir. Je n'ai rien compris. Ah le mec, il était bourras. Hein. Mais j'aime bien le. Enfin, il faudrait qu'on se voie. C'est avec la belle faute. Ouais. Déjà t'entends ça, tu dis oh là là. Bon, bien. Allez hop, deuxième message qui est arrivé sur la ligne anti-relou 0473 86 0013. Hey, c'est qui là au téléphone? Je voudrais savoir c'est qui. J'aimerais bien entendre ta voix quand même. Au téléphone ou tu laisses ton numéro allumé? Ou tu laisses ton numéro allumé. Oui, parce que parfois tu allumes ton numéro. tu le fais clignoter. Voilà, c'est ça. J'ai tu l'allumes. J'ai un néon devant chez moi, je le fais clignoter. Ouais, tu l'allumes, parfois tu l'éteins, on ne sait pas. Bon, et alors le troisième de la ligne anti-relou, écoutez ça. Ouais, salut. Bah, tu me rappelles pas. J'étais prêt à me ruiner pour toi. Mais tu ne rappelles pas, mais c'est normal. Je pense qu'on a compris pourquoi est-ce que elle ne rappelle pas. Tu as raison de ne pas rappeler. Non, mais ce que j'aime bien, c'est les mecs qui, tu sais, qui pensent que les meufs, en fait, ça s'achète. Non, c'est pas des putes. Ah oui, non. Enfin, il y en a, mais pas toutes. Hein. Ouais. Moins tu leur en donnes, plus elles sont contentes. Et c'est ça. Bon, oui, ligne anti-relou qui reviendra tout à l'heure au 0473 86 0013. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. fait passer. Voilà, et puis vite fait, avant d'écouter le son de Wanted avec Glad You Came, on a la petite question qui colle aujourd'hui. Combien de fois par jour pense-t-on au sexe? Mais qui? Tu veux dire Toff ou quelqu'un de normal? Non, non, monsieur tout le monde, ou madame okay. tout le monde. Toff, mmh. combien de fois par jour, toi, tu penses au sexe? Là, déjà, à force de travailler avec Julie, c'est jusqu'à ça, quoi. Ouais, bah, c'est ça, voilà. Julie, combien de fois par jour? Je sais pas, moi, je dirais 4-5 fois. Elle va faire sa prune, là. Ah non, 4-5 fois. Mais non, dès que je pense à mon amoureux, je pense à ça. Amoureuse. Il n'y a pas de the, arrêtez. Non, mais Toff, attends, déjà. Pas parce que tu prends un râteau que les filles sont lesbiennes. Hein, remettons les choses à leur place. Bon, dites-nous, vous, combien de fois, à votre avis, donc c'est un sondage, hein, on cherche le nombre de fois où on pense au sexe en moyenne. 30-44 si vous avez la bonne réponse. Oh, bah écoute, moi, c'est. Ouais, 4-5 fois, j'en sais rien, je compte pas, en fait, à vrai dire. Je sais pas trop. Parce que en fait, ceux qui comptent doivent avoir un problème, hein, Julie. Probablement, oui. Ah, je pense au sexe, je mets une barre. Je remets une barre. Ouais, 4-5 fois, moi, c'est le nombre de fois où je me branle, alors. Oh, Toff, merde, s'il te plaît. T'as pu en masturber à cette heure-ci. Merci oh, ça pour va, ça. Branler. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc combien de fois par jour pense-t-on au sexe? 30-44 avec la bonne réponse. Il y aura des cadeaux pour vous. Et puis au niveau du son maintenant, The Wanted, on l'a promis tout à l'heure, c'est Glad You Came sur Fun. The sun goes down, the stars come, glad you came. The Wanted sur Fun avec Glad You Came. Mickaël à la radio, c'est tous les matins jusqu'à 9h30 pendant tout l'été. Et puis une grosse nouvelle qui vient d'arriver à propos de Justin Bieber. Fun Radio, Info People. Eh oui, nous devons faire un petit break évidemment. L'actu n'attend pas. C'était les warnings qu'il fallait mettre. Ouais. C'était les trompettes. Eh oui, l'actu n'attend pas. Justin Bieber est décédé. Non. Ah non, non, mais ça va. Reprenons espoir pour les fans de Justin Bieber, car Selena Gomez et le célèbre chanteur seraient sur le point de se séparer. Oh, quelle tristesse. Ah, c'est pas attends, fait. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donc l'actrice de Disney Channel supporterait mal que Justin passe le plus clair de son temps avec ses nouveaux potes Sean Kingston et Chris Brown pour préparer un nouvel album. D'après la jeune femme, ce sont de mauvaises fréquentations. D'accord, bah oui, normal. Voilà. Et donc, elle a décidé de faire une pause. Elle a décidé donc de dire stop, maintenant, c'est fini. D'accord. Pause jusqu'au 12 septembre à la fin de sa tournée. Mmh, bah, pourquoi pas. Hein. Et Justin Bieber serait apparemment inconsolable. Oh, bah, je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient bien le consoler, hein, cela dit au passage. Mais bon. Ouais. Bon. Ouais, sinon, il y a Kleenex qui vient d'appeler. Ils sont prêts à l'aider. C'est ça. C'est tout pour le monde du people. Mais non, j'ai encore une info qui est tombée. Vas-y. Ouais, gros bouleversement dans le monde des séries télévisées américaines. Oui, j'ai entendu ça, oui. Desperate Housewives s'arrête. Alors, les aventures. Bon, peut-être pas pour toi, ok. C'est peut-être pas ta cible, mais en tout cas. Non, moi, de toute façon, depuis l'arrêt de 24, je m'en fous. Moi, je pleure depuis ce matin, depuis que j'ai appris cette grosse nouvelle. Donc, la chaîne américaine ABC qui diffuse la série devrait donc annoncer prochainement que le tournage cessera après la fin de la saison 8. Alors, les fans. C'est déjà pas mal, 8 ans, hein. Ouais, c'est déjà pas mal, mais bon, ça devait encore continuer parce que justement, les actrices avaient signé pour la saison 9 et apparemment, elles sont sous le choc, d'après un proche de la série. Elles sont sous le choc et le banquier qui a appelé. Il a fait. les filles, là, comment on fait pour la prochaine fois là. Bon, d'autres infos people, si vous tombez sur des infos qui viennent de tomber, envoyez un 30-44 et puis toujours la question qui colle également, combien de fois par jour pense-t-on au sexe? Des messages sont arrivés, Ricardo qui dit 162 fois, non quand même pas, n'abuse pas, 8 fois c'est moins, 6 fois c'est moins, 4 fois c'est moins, ouais, ça vous donne une petite idée quand même. Ah oui, on n'a pas de bonne réponse encore, donc 30-44 si vous avez la bonne réponse, combien de fois par jour pense-t-on au sexe? On va s'écouter le son de Bob Sinclair maintenant avec Far La Mort, ça tombe tellement bien. Combien de fois par jour pense-t-on au sexe? Bah déjà une fois maintenant. Hein. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Oui, on fait ce qu'on peut aussi, effectivement. 6h, 9h30, Mickaël à la radio. C'est tous les matins sur Fun Radio pendant l'été, entre autres. Et puis, on va donner la réponse maintenant à la question qui colle. Combien de fois par jour pense-t-on au sexe? On est proposé 2 fois, c'était plus. Donc, maintenant, vous avez la réponse. 5 fois, c'était moins. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? On proposait toute la journée. Hein, 100 fois aussi qu'on proposait. Et nous avons maintenant Sylvain qui est avec nous. Salut, Sylvain. Salut. Comment ça va, Sylvain? Oh, ça va très bien, comme on l'a dit, quoi. Eh ben, donc ça va mal, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça va pas terrible, là. Hein. T'appelles d'où, Sylvain? Tu appelles d'où? Ici, pour l'instant, je suis du côté. Je suis pas loin de la frontière du Pays-Bas à Maastricht, parce que je suis dépanneur chauffagiste. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Sinon, j'habite à Rodrimont. D'accord, province de Liège, parfait. Bon, alors, Sylvain, tu avais la réponse, donc combien de fois en moyenne pense-t-on au sexe? Oui, bah, trois fois. Eh ben oui, effectivement, c'est une enquête qui montre que toutes les personnes interrogées pensent au moins une fois par jour au sexe. 53% ont déclaré avoir des idées érotiques entre 1 et 10 fois par jour. Et 30% entre 10 et 20 fois par jour. Et 17% plus de 20 fois par jour. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Ouais, et alors, par contre, l'enquête a aussi démontré que les hommes ne pensaient pas plus au sexe que les femmes. Ah bah non, tout le monde sait que c'est des cochonnes. Non. Bah oui, bien sûr. Merci, ouais. Toff, aussi, pour ça. Julie confirme. Oui, bien sûr, hein. C'est tout, je le retiendrai que ça. Julie confirme. Bon, et bah bravo à toi, Sylvain. On va te renvoyer au standard. On prend tes coordonnées. Et puis, bah, bon courage à toi aussi pour la journée, hein. Ouais, grand merci, c'est bien gentil. Je t'en prie. Salut, ouais, à bientôt. Bonne journée. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, et puis restez bien là, dans quelques instants, il y aura la ligne anti-relou, il y aura également les petits remboursements de factures. Oh. Enfin, oui. Petit, je pense que tu t'emballes. Oui, il y a des gros chiffres. Hein. Donc, si vous voulez vous inscrire pour les factures, la 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture à rembourser et l'objet de la facture. Vous envoyez ça au 63-22, c'est 1 euro par message. Et puis nous, on vous rappelle d'ici quelques instants. Ne bougez pas, les infos, ça arrive dans moins d'une minute. Mmh. 9h sur Fun Radio, bonjour et bon réveil tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, on est encore là pendant quelques minutes, hein, donc restez bien là, il y a Lucas qui va reprendre le relais aussi vers 9h30 pour le self de l'été, et puis donc à 9h c'est parti maintenant, faisons un tour du côté des infos avec Julie. Salut à tous, en Argentine, deux hommes arrêtés ont avoué le meurtre des deux touristes françaises, selon un journal local. Ricardo Vera, 37 ans, et Dario Ramos, 47 ans, auraient avoué avoir tenté de voler Uria et Cassandre, mais que celle-ci avait résisté. Les deux hommes disent les avoir alors frappés et violés, mais accusent un autre homme arrêté mardi dernier d'avoir tiré les coups de feu mortels. Toujours à l'étranger, en Angleterre, de nouveaux incidents ont lieu la nuit dernière dans plusieurs quartiers de Londres. Trois policiers ont été hospitalisés après avoir été percutés par un véhicule. Tous mobilisés contre le crash boursier, le mot est fort, mais depuis l'abaissement de la note de la dette américaine, toutes les bourses du monde baissent sérieusement aujourd'hui. Ce n'est pas encore la dégringolade totale, mais le spectre d'un nouveau crash boursier inquiète. Le G7 se dit déjà prêt à contrer les mouvements excessifs de change. Justement, le Premier ministre Yves Le Terme appelle les parlementaires à écourter leurs vacances. La raison, la crise de l'euro. Il faut absolument boucler le budget 2012 et approuver rapidement les décisions européennes du 21 juillet dernier pour mettre un terme à la crise. Le formateur Elio Di Rupo s'est dit prêt à travailler en collaboration avec le gouvernement en affaires courantes. En tout cas, la reprise des négociations politiques, le formateur a précisé qu'elle reprendrait dès le 15 août. Les campagnes Bob en été sont apparemment indispensables vu les derniers chiffres. Sur plus de 100 000 automobilistes contrôlés à l'alcotest ces deux derniers mois, 5 500 étaient positifs, ce qui équivaut donc à 5%. Alors qu'en hiver, les contrôles de fin d'année, un peu plus de 3% roulaient sous l'influence de l'alcool. Et autre info, les Wallons boivent apparemment plus que les Flamands. Et puis enfin en sport, week-end chargé en football, le Standard s'est imposé fièrement face à Lokeren 3-1. Westerlo et Courtrai se sont séparés sur un 0 partout. Et Saint-Tron et FC Bruges ont assuré le spectacle en se quittant sur un 3 partout. On fait un tour du côté de la météo maintenant. Pas terrible pour ce début de semaine, c'est un lundi sous la pluie qui nous attend avec des températures en baisse, 13 à 18 degrés. Demain, les éclaircies seront rares et les températures toujours aussi fraîches. Et d'ailleurs, pour info, effectivement, il pleut au-dessus de la radio actuellement. Hein, donc c'est bien pour vous dire que c'est moche. C'est la merde, exactement. Allez, l'info en plus, elle arrive juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mais oui, Mickaël à la radio, sur Fun Radio, tous les matins jusqu'à 9h30. Et cette info en plus maintenant, Julie. Et l'info en plus, c'est que les Sims seront débarqués sur Facebook d'ici peu. On connaît déjà Farmville, et bien désormais, il faudra faire de la place à Sims Social. De Sims Social permettra aux joueurs de créer leur Sim, de construire la maison de leur rêve, de se faire des amis et voir plus si infinité. La page dédiée donc sur Facebook, facebook.com/Sims Social, réunit déjà plus d'un million de fans, alors que la sortie du jeu est attendue pour l'été, sans autre précision. Très bien. Et d'ailleurs, il y a des messages aussi qui sont arrivés sur le groupe Facebook qui disent qu'ils vont commencer à spammer Toff pour aller sur Farmville. Ah, bien. Oh, chouette, beau, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Je ne l'avais pas encore reçu assez. Ah bah ouais, bah tant mieux. Voilà, je me disais que ça te ferait plaisir. Mais oui. Dans un instant, bah, Toff, on va encore faire un petit appel à la clinique. Mais oui, appelons les cliniques. Ça demande sur le groupe Facebook. Là, encore un appel à la clinique avant de partir. Donc on appelle puisque Toff veut avoir un certificat médical. On a déjà appelé deux cliniques, une fois à Verviers, une fois à Binche. Non, je sais plus. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ouais. Ça, et on va essayer encore après dans quelques instants. Donc ne bougez pas, on paye vos factures également et on va écouter Ina maintenant, c'est Club Rocker sur Fun Radio. She's moving like, oh, oh. Michael, matin. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. En direct sur Fun Radio, tous les matins c'est comme ça que ça se passe depuis ce matin avec vos messages qui arrivent au 30-44 par SMS, 50 centimes par message et puis nous allons payer vos factures également. Payer les factures c'est tous les matins également, plusieurs fois par matin d'ailleurs, c'est la dernière fois ce soir. Ce soir. C'est un vieux réflexe, ça fait 10 ans que je faisais le soir. Dernière fois ce matin, donc 63-22 débuter le message. Attends avant de composer le numéro. 63-22 débuter le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis un petit message qui est arrivé aussi, qui disait facture 735 € pour un iPhone 4, j'ai sauté dans la piscine avec. Je suis con, ça là, fait alors. Mal ça. Ouais. Non, en fait, c'est marrant, mais j'ai entendu parler d'un mec. Bah oui, moi je pense qu'il y a un mec qui a fait ça aussi dans, dans le studio ici présent avec nous. C'est vraiment un trou du cul. Hein. Ah, oui, comment est-ce qu'on peut être assez con pour sauter avec son téléphone et puis, dans l'eau, attends, parce que c'était, c'est pas comme. C'est marrant parce que c'est lié avec un endroit géographique où il va passer ses vacances. Ah oui, tiens. Ouais. Ah bon, quel rapport le rapport, bah, ça doit être, je pense, la quatrième fois que ça lui arrive au même endroit. T'exagères, ça fait la troisième fois que ça m'arrive. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais à l'époque, c'était moins cher, c'était un vieux Nokia tout. Oh là là, donc, t'es doué, toi. Ouais, mais je l'avais dans ma poche. En plus, j'ai eu des rappels. Bon, j'ai pas raconté ma vie, mais j'avais sauté une fois sur le matelas gonflable. J'avais le téléphone déjà dedans. Ouais. Il a été sauvé. Puis après, j'ai foutu de la sauce de bouffe dans le haut-parleur. Il a été sauvé. Mm-hmm. Bon, bah après, voilà. J'ai sauté dedans, là, complètement dedans. Là, il y a un moment, je suis resté 10 minutes dedans. Si tu veux, c'était mort. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. Avec un peu de chance, on va m'appeler hein, pour me. Hein. On va te rembourser ta facture. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allô. Ah, voilà. Allô. Non, merde, c'est pas moi. Bonjour, vous êtes en contact avec la boîte à messages de Mickaël. 0 merde. 4 Oh mince, attends, ouais, c'est un message. Voilà, blablabla. 3 Oui, on l'a compris. Enfin, c'est pas moi. Enregistrez votre message. Enfin, ça m'aurait fait plaisir, après un petit nouveau téléphone. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir et merci. Voilà. Allô, bonjour. Oui, on t'appelle en direct à la radio sur Fun pour payer tes factures. Malheureusement, tu ne veux pas qu'on te la paye et c'est dommage parce que tu avais quand même acheté un nouvel ordinateur à 600 balles. Oh non. Donc voilà. Ça fait mal. L'avantage, c'est qu'il l'a acheté. Enfin, il ou elle l'a acheté, tu vois. Ça y est, c'est fait. Il l'a déjà payé. Donc ça aurait été une bonne nouvelle, mais c'est pas non plus la pire nouvelle de la journée. Donc c'est bon. Non, c'est dommage. Sauf s'il a fait un crédit sur 5 ans, quoi. Oui, sauf ça, effectivement. Bon, enfin bon. Bon, et ben écoute, tant pis pour toi. Tu retentes ta chance quand tu veux. Et puis, tous les autres aussi. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez les faire tout au long de la journée. On remet le couvert demain à partir de 6h pour vous payer vos factures. 63-22 pour les inscriptions. Débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et beaucoup de gens, c'est marrant, hein, qui veulent qu'on paye leur cadastre. Ça doit être la période, à mon avis. Hein. Apparemment, je crois que c'est la période du cadastre. Oui, si vous avez une maison, démerdez-vous. Hein, on va pas vous plaindre. C'est propriétaire, c'est déjà bien. Vous êtes propriétaire, hein, on va pas non plus vous rembourser toi. Non, mais oh. Oui, nouvelle maison, 300 000 €. Oui, envoyez toujours la facture, on va voir avec le boss si ça passera, mais je suis pas convaincu. Hein. Allez, on s'enchaîne les Magic Systems ce matin à 9h12 sur Fun. C'est la danse des magiciens et Julien nous fait une petite danse des magiciennes. Petite danse des magiciennes. Ça va être parfait, ça, tiens. Magic System. Les Magic Systems. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Avec Fun les Radio. Black Eyed Peas enfin, dans. Il fait ce qu'il peut. Pardon, excuse-moi, monsieur. Avec les Black Eyed Peas dans un instant, Don't Stop the Party. Et puis nous allons prendre pour la dernière fois aujourd'hui Doudou qui est là. C'est le dernier horoscope de la journée, Doudou. Hein. Ah oui. Ah, oh, ça m'a fait plaisir, les Magic Systems. Ça m'a rappelé un peu le soleil. Je l'ai mis pour vous, tiens. Ah, oh, c'est gentil. Hein. Ouais. Bon, allez, dernier horoscope du jour. Oui. On va commencer par les béliers. Oui, allons-y. Alors, attendez. Oui, les Bélier, voilà. Oui, journée de travail très active. Hein. Bah oui, il est temps de se remettre en selle. C'est sûr. Taureau, maintenant. Journée de travail, non, c'est pas ça, c'est l'autre. Mercure va protéger toutes vos activités. C'est le moment de faire des conneries. Et les Gémeaux. Alors, votre tenue, c'est très fragile. Il faut économiser votre énergie au maximum. Et bon, ce ne soit pas la première fois que vous faites rien au travail. Les cancers. Journée laborieuse et remplie d'obstacles. Faites attention à ce que cela ne se traduise pas par votre mauvaise humeur habituelle. Les lions. N'ayez pas peur de prendre des initiatives ou de mettre vos idées originales en pratique. Vous aurez des bonnes retombées. Oui, les vierges. Oui. Alors, au travail, vous allez surmonter les difficultés, les obstacles, et ça passera pas inaperçu. D'accord, ensuite les balances. Cette journée sera excellente pour effectuer des démarches, mettre vos atouts en avant et surtout postuler pour un nouveau travail. Ça, c'est marrant, c'est le signe de Toff. Bah ouais. Ah, pour un nouveau travail. Ah, peut-être il va faire autre chose. Hein. Les scorpions. Alors, vos rapports avec votre entourage professionnel seront placés sous le signe de la détente. D'accord. Et oui. Et oui, bah oui, il faut bien détendre un petit peu de dos. Oui, hein. Petite masseuse et hamac, moi je suis d'accord. Sagittaire. Le temps joue en votre faveur. Pas la pluie, hein, le temps de ta montre. Bien sûr. Alors profitez-en pour faire le point et vous organiser au mieux. Les, je sais plus où on est, les capricornes. Alors, si vous avez un projet audacieux, méfiez-vous. Prenez du recul. Le ciel, il est pas avec vous aujourd'hui. Les Verseaux. Rien ne viendra troubler vos activités aujourd'hui. Hein. Mais attention, pas de décision d'argent, que ce soit des achats, des ventes et surtout les investissements. Et les Poissons. Et les Poissons, eh ben, ne restez pas tout seul dans votre coin parce que vous avez beaucoup besoin de contacts. Très bien, merci pour ce dernier horoscope de la journée, Doudou. Hein. Bonne nuit. Ben oui. Parce que vous allez dormir, j'imagine. Là. Ah oui, oui, là je vais retourner me reposer. Ça a été très, très dur aujourd'hui. Décalage horaire, tout ça, difficile. Ah oui, évidemment. C'est facile. Oui, oui, c'est surtout décalage de réveil. Ah oui, bah, j'imagine. Ouais. Bon, dans quelques instants, on aura un petit appel encore. Hein. On va de nouveau téléphoner pour avoir un certificat médical pour Toff. Oui. Et puis on va s'écouter aussi dans un instant The Black Eyed Peas. Ce sera Don't Stop the Party sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Je l'ai déjà dit, hein. C'est... Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et oui, on est là tous les matins sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. On est là en direct évidemment avec vos messages qui arrivent au 30-44 effectivement. Et puis Toff, on se fait un dernier appel là. Ouais, ouais, mais là je suis chaud, je suis sûr c'est le bon. Ouais, c'est bon. L'appel qui va faire que je pars en repart en vacances. Ouais, c'est ça. Bon, faut savoir que ce matin Toff a essayé d'avoir un certificat médical pour avoir une semaine de vacances en plus. Et ben jusqu'ici, ça n'a pas super bien marché. Si, attends, j'ai eu mon rendez-vous à Vinche. Ouais, bon, enfin vite fait, elle a quand même fini par te raccrocher à la tronche. Hein. Ouais, ouais, bon, allez, ok, allez, on appelle. Tourner, mais c'est tourner. Tourner, tu vas voir, ça va le faire. À tourner, tu penses que ça va le faire. Tourner, ça va le faire. D'accord, c'est la frontière, ça va le faire. Ouais. Jury, tu penses quoi de tourner? J'y crois, allez, j'y crois pour toi. Comme ça, il repart en vacances, ça peut m'arranger. Ouais, c'est clair, ça nous fera les vacances, à nous aussi, tiens. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à tourner pour essayer d'avoir un certificat médical pour prolonger les vacances. Rendez-vous, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il faudrait que je prenne un rendez-vous assez rapidement avec un spécialiste. C'est avec quel spécialiste ? Celui qui est disponible le plus vite possible. Bah oui, mais. En fait, je voudrais venir ce matin pour qu'il puisse me faire un certificat pour que j'aille pas travailler. Mais c'est en cardiologie, en cardiologie. Par exemple, oui, cardiologie, c'est bien ça, cardiologie. Mais vous êtes malade, bien sûr. Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Mais c'est quel spécialiste qui devrait vous faire votre certificat? Ah bah celui qui est disponible. Non, je suis pas très regardant moi, hein. c'est juste pour pas aller travailler. Et moi je vais pas vous donner un rendez-vous avec un spécialiste, si vous avez rien, c'est juste pour un certificat médical, monsieur. Mais on peut trouver quelque chose, on avait dit cardiologie, j'ai des problèmes de cœur, je sens que j'ai des palpitations à l'idée d'aller travailler. D'accord, quittez pas. Hein. Pas mal quand même. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, en fait je voudrais prendre un rendez-vous. Un rendez-vous pour? Pour aujourd'hui, si c'est possible. Mais un rendez-vous de quoi, monsieur? Une consultation? Oui, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous n'aurez pas de rendez-vous, hein? Ah. Même, vous n'avez pas une petite annulation où je pourrais m'incruster? Vous allez aux urgences. D'accord. Tout simplement. D'accord, je viens alors, aux urgences. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez 3 services d'urgence à Notre-Dame, à la Dorcas, ou même ici en bas, à l'ancien hôpital civil. Ah, mais parce que vous êtes à l'ancien hôpital civil, donc je ne vais pas aller à un autre. Donc je viens vous voir, vous, quoi. Mais non, vous ne venez pas me voir moi parce que vous ne me verrez pas, c'est ça que je veux vous dire. Mais vous êtes là. Moi je suis là, mais j'ai mon programme bien qui est bien complet, vous savez. Oui, non, mais je passe vite fait, je m'intercale, vous me faites mon certificat, puis je m'en vais. Non, je ne fais pas votre certificat. D'accord. C'est clair ? Bien sûr. Attendez, je vais prendre votre nom quand même pour vous retrouver. Ah, mais ça a mal barré, hein. Si je puis me permettre. Non, mais c'est ce non. qu'on appelle un échec, un énième échec cuisant. Mais non, il a juste oublié de me donner son nom, en fait, pour que je vienne. Donc on va le rappeler et je vais demander son nom. Ouais. Comme ça, je saurai qui aller voir et c'est bon, j'ai mon certificat. C'est beau de rêver. Ouais, c'est ça, beau. C'est beau. Bon, dernier appel parce qu'après, il y a Lucas qui pousse là. Allez, c'est parti. Oui, allô ? Oui, j'étais en communication avec un docteur en cardiologie pour prendre un rendez-vous. Nous avons été coupés. Monsieur Follon. Ah, très bien. Vous pouvez me le repasser ? Oui, un petit moment, hein, monsieur ? Merci, madame. Et gentil et poli et tout. Bien. Allô ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Vous aviez oublié de me laisser votre nom pour le rendez-vous, mais c'est bon, votre assistante me l'a donné. Donc je passe. Je ne vous vois pas, monsieur. Je pense que c'est parfaitement clair. Hein. Donc je passe pour faire mon certificat médical. Vous pouvez me faire une petite semaine ? Vous ne passez absolument. absolument pas pour faire votre certificat médical. Je ne vous ferai pas ce certificat médical. C'est clair, ne perdez pas votre temps. Ouais. Si c'est pour une histoire de reprise du travail. Je n'ai pas à vous faire un certificat médical qui n'est pas circonstancié et qui n'est pas utile. D'accord ? Demandez à votre médecin. Bah, si, c'est utile, monsieur. C'est pour que je reste en vacances. Oui, mais justement. Donc, ce serait quand même gentil de votre part. Mais je vous le paye. Hein, je paye la consultation. En plus, elle ne durera pas longtemps. C'est non. OK ? Circonstancié, ce sera le mot du jour. Hein. Circonstancié, c'est pas mal. Bon, ben voilà, donc échec total, comme ouais, je le disais. Je pense que je reviens travailler demain. Donc. Oui, demain on sera là à partir de 6h, effectivement. Ouais. Bon, dans un instant, on va se dire au revoir avec Lucas qui va débarquer pour le self. Et puis en attendant, on se fait quand même un petit son encore là. Jean-Rock et Deluna in Florida. On se fait péter le son de I'm Alright sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, il est 9h27. C'était Jean-Rock à l'instant avec Kate Deluna et Florida sur Fun Radio avec I'm Right. Bon voilà, c'est terminé, 9h30. Dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer, qui est déjà là d'ailleurs. Hein, bonjour tout le monde. Ça va et vous en pleine forme parce que. Bah, moi ça mais va. Tout va bien. On n'a pas de cernes du tout. Mais non. T'as vu un peu, nous avons des têtes au taquet. Très fraîches. Vous êtes magnifique. Ouais. Mais ouais. Julie a une belle tête parce que comme elle a arrêté de fumer, son teint est plus beau. T'as fait ça. Mon Dieu, je sors du cercle des fumeurs. Et ouais, pour l'instant. Mais je te souhaite beaucoup. Tu es sorti de la communauté. C'est une belle communauté, effectivement. Bon, dans un instant, le self, donc avec. Avec Lucas qui va passer tout au disque préféré au 3044, voilà tout simplement. Tu sais, pour le plomber, j'ai envie de... je vais passer un disque que j'aime pas du tout, je vais te demander un disque dégueulasse. Pourquoi pas, tu sais, il y en a pour non pour, je donne pour mon avis, je donne mon avis, je sais que c'est mal, mais si tu veux ne pas passer monsieur Tombola, t'aimes pas la Corée et tout, ce morceau c'est d'une horreur. Ça dépend d'eux. Ah ouais, bah après il faut être dans le délire, hein. Peut-être que je suis à côté, mais moi je propose que d'ici la fin de la fin du mois, Julie nous fasse la chorégraphie. Bah OK, je vais y penser. Mais c'est une bonne idée, ça tient. L'idée qu'elle est bonne. Tu pourras t'entraîner à la maison. Merci beaucoup encore pour cette bonne idée. Et puis demain, soyez bien là à partir de 6h, puisque nous allons débarquer avec du lourd, du très lourd. Voyez monsieur Tombola, Justin franchement, Timberlake. Franchement, c'est pas cool de dire ça de Julie. Hein. Non. Tout ça parce qu'elle a arrêté de fumer. Non. Vous allez voir que nous allons débarquer avec du très lourd côté musique. Vous avez Bob Sinclair et tout ce bordel là. C'est de la merde à côté. Je n'en dis pas plus, mais vous allez voir. Allez même entendre. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous toutes d'avoir été là ce matin, depuis 6h. On se retrouve demain à partir de 6h également. J'allais dire en pleine forme. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sera là. Mais oui, on sera là. Voilà, mais oui, ça peut-être va. Peut-être qu'on dormira, mais en tout cas, on sera là. Oui, peut-être. Bon, il y a Jasmine qui débarque aussi tout à l'heure à partir de 13h. C'est Greg qui prendra le relais pour la tribu de l'été à partir de 17h. Et puis, bien évidemment, la libre antenne du soir avec Vince qui n'a pas de parole. Avec Vince qui n'a pas de parole. On l'attendait ce matin. Pas de nouvelles. Enfin, bon, tant pis. Hein. Voilà, à partir de 20h, la libre antenne avec l'abbé et. Non, Bill. Allez, passez une bonne journée, tout le monde. À demain. Bye bye. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar ! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.